They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. We are going to make this decision now. The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur Démocratie Participative, émission numéro 21 de notre première saison. Alors, je tiens à souligner que nous sommes maintenant en partenariat avec The Right Stuff, nos amis américains de la droite alternative alt-right, qui diffusent notre émission sur leur site therightstuff.biz. Je vous invite à le consulter si vous voulez, et aussi, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Démocratie Participative, vous recevez les alertes à chaque fois qu'une nouvelle émission est publiée, et de la même façon sur notre page Facebook, le même nom, il y a un certain nombre de nos auditeurs qui nous contactent, c'est extrêmement pratique, et ça vous permet aussi de partager le contenu, et évidemment notre email, que je m'en vais vous donner immédiatement, démocratie participative d'un seul tenant, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative d'un seul tenant, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Si vous voulez nous faire part de quoi que ce soit, je vous invite à nous contacter. Alors je m'en vais présenter immédiatement nos intervenants de la semaine. Derek, salut Derek, comment vas-tu? Salut Gandalf, une pêche pas possible hein, avec cette semaine assez folle. Ouais. Oui, on va avoir l'occasion d'en parler. Effectivement, le soleil vient de se lever. Hein. Alors, Porovitch, comment vas-tu, Porovitch? Salut, Poro. Shalom alaikum à tous. Et puis, spéciale dédicace à Farida Belnioul et Albert Kaik qui n'ont pas pu venir. Faudra qu'ils viennent un jour. Hein. Faudra qu'ils viennent. Astérix, salut Asté. Comment vas-tu, Asté? Écoute, moi j'ai des papillons dans le ventre, tu sais. J'ai l'impression de découvrir l'amour. Donald Trump, je t'aime. USA, we love you. Écoutez pas les néo-communistes qui parasitent notre pays, on vous aime. Merci. Ça, c'est une vraie déclaration d'amour. Capitaliste est parmi nous, il interviendra peut-être. Salut, capitaliste. Bonjour à tous. Hein. Moi j'ai mis mes bottes cette semaine, hein, puis j'ai marché dans les larmes gauchistes pendant plusieurs jours. C'est bien ça, moi je les bois en coupette moi, les larmes des gauchistes. Frédéric dans l'évier, qui est pole positionné lui en Amérique du Nord, salut Fred, ça gaze, ça lève de la fonte et tout avec des bougnoules ou quoi? Alors bonjour à tous, c'est Frédéric dans l'évier, et oui bah moi comme d'habitude je lève de la fonte, je compte mes calories et je me félicite effectivement de ce sursaut du peuple américain. Qui, ma foi, a l'air salutaire. On va voir comment ça va se développer, mais j'attends avec impatience l'inauguration officielle du nouveau président. Oui, c'est vrai. Et puis, ça va se mesurer au nombre de bougnoules qui vont être exilés du pays, hein, je présume, quoi. Hein, Bougnoul et Métèque, attention, Oui, hein. c'est vrai que vous avez toute une panoplie, j'ai envie de dire. Voilà. Fulbert est parmi nous le plus belge des nationaux socialistes. Hein, on peut y aller franchement. Il interviendra quand il voudra dans l'émission et il a souvent un regard éclairé. Salut Fulbert! Ah, bonsoir Gandalf. De mon côté, moi j'attends les trompettes de Jéricho. C'est bien, c'est bien. Argyle, salut Argyle, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Il faut dire que je suis quand même assez grisé par ce parfum de révolte blanche qui arrive d'outre-Atlantique. Donc voilà, la semaine fut bonne. C'est vrai, il est vrai, il est vrai. Hop Man America, bah toi tu parles bien ton nom, Captain Hop Man America. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Captain America en allemand. Captain America, comment vas-tu, Captain? Ben écoute, bonjour Gandalf, je vais très bien comme tous nos amis ici présents et ainsi que comme la moitié des États-Unis, je pense, étant donné que nous sommes dorénavant dans le camp de l'empereur divin Trump. Ah oui, bah, on est dans le camp des winners, là. On a changé de team, fini la lose, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, et puis du coup, bah, dans le sillage, voilà quoi. MacDav, comment vas-tu, cher MacDav? Bonjour à tous, ça va très très bien. La semaine était mouvementée et les bonnes nouvelles ne sont pas près de s'arrêter. J'ai tendance à le croire aussi, chers amis, j'ai tendance à le croire. Alors, sans transition aucune, première rubrique. Et là, je change notre tradition parce que c'est une émission que j'ai voulu exceptionnelle à l'occasion de cette élection ben, du président Donald Trump qui a fait une campagne, on peut le dire clairement nationaliste. Hein, voilà, il est sur une ligne qu'aucun de nous ne rejette. Je pense qu'on peut dire aussi que sur ce TS se situe environ 50 à 60% du fan club de Donald Trump dans l'Hexagone et en Belgique. Je pense qu'on est à peu près dans les bons chiffres. Et qu'on avait le nez, c'est-à-dire qu'on avait le nez non pas crochu, mais on avait le nez fin. Et depuis l'été 2015, on avait senti qu'il se passait quelque chose et que c'était le bon cheval. Tout le monde se foutait de notre gueule, on va y revenir. Et voilà, bref, bon, bah, en tant que team officiel de la Trump machine, on peut se faire plaisir. Vos réactions tout de suite. Je veux les réactions comme ça, à chaud, hein, simplement. Voilà, votre sentiment. Qu'est-ce que vous avez eu cette semaine? On va parler des journalistes et tout, hein, des réactions officielles, ça vous en fait un. Mais simplement, vous, comment vous l'avez vécu le truc? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je prends tout de suite pour commencer. Voilà, Astérix. Salut Asté, c'est toi qui commence. Bah écoute, allez, c'est parce que j'ai un enfant que je vais pas dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Il risquerait d'écouter la vidéo un jour. Mais là on est dans le top 5. C'est juste fantastique. C'est la revanche du bien contre le mal. C'est les gens honnêtes, sincères, les petites gens, ceux qui bossent, qui peuvent enfin redresser la tête et tous les parasites. Toute cette gauchiasse lamentable qui ne fait que vivre à nos dépens, qui ne fait que nous parasiter l'oxygène, en train de chialer, en train de ramper. Magnifique, splendide. Là, on est dans quelque chose qui, de mon point de vue, dépasse le pur cadre matériel et politique, quoi. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Fred! Ouais, alors moi je veux juste faire remarquer, parce que c'est vraiment ce qui m'a choqué après l'élection, c'est le niveau de déconfiture mentale des gauchistes. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, mais un peu partout évidemment, on peut voir, moi j'ai vu personnellement hein, sur des connaissances hein, plus ou moins proches, que, ils sont vraiment dans un état de. Enfin, ils se sont réveillés avec une sale gueule de bois et. On leur avait vendu vraiment que Hillary Clinton allait l'emporter, la victoire de Trump était impossible, etc., etc. Et là, ils ont vraiment pris un choc colossal dans la gueule. Ils ne se sentent pas bien. Il y en a qui sont vraiment en état de dépression assez sévère. Et je veux insister, c'est vraiment le moment de renchérir hein, pour les trolls, pour les gens qui se sentent motivés à aller les asticoter. C'est vraiment le moment de les achever, quoi. Un Mortal Kombat, là, il faut leur envoyer le finish dans la gueule, histoire qu'ils aient vraiment plus l'énergie de se relever, hein. C'est le moment, allez-y, faites-vous plaisir. Alors ça, j'encours. Ah ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Là, il faut vraiment les pousser au suicide, hein. Si vous avez, alors si vous êtes au boulot, etc. Allez-y bien. Mais ouais, mais c'est prévu, c'est inévitable. Clinton est foutu, la gauche est morte. Il n'y a plus rien à faire si ce n'est prendre des cachetons et se balancer du haut d'un pont. Enfin, allez-y les gars, ceux qui nous écoutaient, hein, faites déprimer les gauchistes. Allez-y Franco. Moi, je n'ai pas dessoulé en fait pendant 48 heures, hein, parce que j'ai quand même bien arrosé ça. Et d'ailleurs, je tiens à le dire à nos auditeurs, je tourne au champagne. Hein, voilà, hein, pendant l'émission, champagne normal, obligé. Alors Oh, t'as après, pas fait à l'affront toi. de fêter ça à la tequila quand même. Ça viendra après. Ça serait quand on aura le premier million de métèques envoyés vers le Mexique. Là, ça sera tequila. Vous voyez, c'est thématique. Là, c'est champagne pour le moment, un petit peu classe et tout. Voilà quoi. Argyle, à toi. Moi, je voudrais applaudir le peuple américain qui, ici en Europe et en particulier en France, est toujours décrié en disant que ce sont, que ce soit par les gauchistes ou que ce soit aussi par un certain nombre de nationalistes français. Eh ben, les Américains ont réussi à faire ce que les Français n'ont pas eu les couilles de faire à différentes élections. Et moi, je voudrais, c'est l'équivalent, Trump, l'élection de Trump, c'est l'équivalent de Chirac Le Pen, on va dire en 2002. C'est-à-dire que les Américains ont eu les couilles de voter pour, on va dire, en gros, le clone de Jean-Marie Le Pen, ce que les Français n'ont pas eu les couilles de faire. Et donc, rien que pour ça, enfin, dire, le peuple américain, malgré les tombereaux de merde qui a été déversé sur la tronche de Trump par la quasi-totalité des médias, le peuple américain a eu suffisamment de lucidité pour voter majoritairement pour Trump et pour rejeter l'immonde Hillary Clinton, qui était la représentante du système pourri américain. Et donc, ils ont eu le courage de faire ça. Donc, quand on, voilà, je crois que c'est le retour du peuple américain, le retour du peuple blanc américain, évidemment, hein, pas vraiment les autres. Mais voilà, un peuple qu'on croyait, on se disait, ça y est, c'est fini, ils seront minoritaires dans quelques décennies, comme nous, ils ne vont pas résister, ils sont complètement. Eh ben non, ils ont réussi à. Alors après, maintenant, on va voir, hein, mais on peut être relativement confiant et on peut voir que voilà, l'Amérique blanche refuse de mourir en espérant que l'Europe blanche aussi va refuser de mourir. Ah, c'est bien ce que tu dis, je suis assez d'accord. Tu parles du retour de l'Amérique blanche, je pense qu'il y en a d'autres qui vont être sur le départ. Hein. Poporovitch, c'est à toi de t'exprimer, tu m'as demandé la parole. Oui, bah évidemment, félicitations au peuple américain de ce sursaut de lucidité. Puis j'en profite aussi pour cracher à la gueule aux gauchistes, alors qu'ils soient aux USA ou en France ou ailleurs, d'avoir osé soutenir Hillary Clinton, qui est probablement la candidate la plus corrompue qu'on ait jamais vue, dont le directeur de campagne trempe dans des réseaux pédophiles, qui fait de qui est le chien-chien de l'Arabie Saoudite. Enfin bon, je vais pas énumérer toutes les casseroles qu'elle a, parce que ça va prendre toute l'émission. Mais vraiment, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, et j'espère que vous allez bien, qu'on vous en prend plein la gueule. Ça, je pense qu'on peut compter là-dessus. Astérix, tu veux prendre la Tu veux prendre parole? la parole? Oui, extrêmement révoltant le comportement de ces. En fait, moi, c'est même pas aux gauchistes que j'en veux. C'est aux gens qui ne s'occupent absolument pas de politique, qui n'ont aucune idée de quoi on est en train de parler, quels sont les enjeux, qui ne comprennent rien aux tenants et aux aboutissants, et qui se prononcent sur les réseaux sociaux pour en croyant pouvoir gratter un petit peu d'attention. Toutes ces attention whores là, qui font des petits smileys vers le bas, elles ne savent pas avec quoi elles jouent, comme le disait Poporo. Elles sont en train de jouer avec des. Elles sont en train de soutenir des gens qui sont à la tête de réseaux pédocriminels, des gens qui sont les plus belliqueux que la Terre ait jamais portés, des gens qui n'ont pas de face en plus, qui font toujours faire le sale boulot par un tierce. Enfin bref, on est en train de parler de ce qu'il y a de pire et que les gens qui ne s'occupent pas de politique arrêtent de nous faire chier. Arrêtez de polluer les réseaux sociaux, parlez de ce qui vous intéresse, de la nouvelle collection Levi's, de la nouvelle collection Versace et laissez-nous tranquilles. La politique, c'est un truc sérieux, putain. Derek. Ouais, donc comment dire, depuis cette élection-là, hein, c'est vrai que moi, ça a été assez énorme, quoi, hein, vivre ça avec les collègues de travail. Ben, je suis arrivé dès le matin, on est arrivé 2 heures avant au boulot. Voilà, on s'est regardé comme des connards, tu vois, et puis on a sauté dans tous les sens, quoi. C'est comme des gosses. Hein. Et c'est vrai que c'est assez. C'est vraiment bien, quoi. Hein. D'avoir quelqu'un de comme ça, comme Donald Trump élu, le type, quand même, hein, faut le rappeler. On lui a souvent reproché d'avoir des soutiens de néo-nazis et compagnie, tu vois, de mecs qui posent des photos de grenouilles avec des croix gammées dans les yeux. Il dit, ouais, ben voilà, c'est des gens qui sont enthousiastes, tu vois. Il s'est jamais excusé d'avoir des soutiens Enthousiaste. racistes, ouais, des soutiens enthousiastes. Donc voilà, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Et d'être à présent dans le camp du bien, hein, parce que les cartes vont pas tarder à être redistribuées. Bah, ça fait un petit peu 75 ans Ouais, qu'on ouais, nous ouais. largue. Ouais. Alors, comment dire, Frédéric? Ouais, bah moi, oui, effectivement, toute l'oligarchie mondiale, avec tous les soutiens des médias, des grands groupes financiers, des grandes corporations, etc., qui se font baiser par des trolls, effectivement, avec des avatars de Pépé la Grenouille, c'est quand même quelque part très poétique. Et puis, comment dire, il y a aussi le symbolisme, hein, pour ne pas virer dans le Salim Laibi, gros Salim. Hein. Alors voilà, on avait le 11 septembre, hein, le 9-11, maintenant on a le 11-9, hein, c'est l'inversion, donc c'est l'élection de Donald Trump. Donc un symbole qui nous est peut-être envoyé par je ne sais quel avatar d'une hein, d'une divinité, voilà, on ne sait pas, on verra. Divinité égyptienne en forme de grenouille, peut-être. Voilà, on peut C'est-à-dire qu'en spéculer. fait, les Bougnoul avaient édifié leur empire sur des tours effondrées à New York. Et il y a comment dirais-je, un milliardaire de l'immobilier qui reconstruit son empire sur les décombres des Bougnoul. Voilà. Voilà, en inverse, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, moi. Comment dire, Astérix. Eh ben moi, par rapport à ce que disait Derrick, ça, les Américains, dites-moi si je me trompe, utilisent la formule no punch to the right, ce truc qu'a fait Trump, à savoir ne jamais, jamais, jamais taper sur les réseaux les plus extrémistes qu'il soutenait. C'est une leçon que les Le Penistes ont intérêt à retenir parce que sinon ils vont perdre beaucoup de monde. Donc là, on sait très bien que vous nous écoutez. Là, il y a des gens proches de Marine Le Pen qui doivent forcément tomber sur nous. Putain, si vous continuez votre saloperie de dédiabolisation, vous êtes vraiment des merdes. Là, maintenant, vous avez la preuve devant vos yeux. Les Européens n'en veulent pas. Les Gaulois ont une aspiration à la liberté au moins aussi grande que les Américains. On est un peuple de grincheux. On sera les premiers à suivre le politiquement incorrect. Alors, embrayez le pas, suivez, surfez sur la vague Trump et faites pas vos petites chattes parce que sinon vous allez vraiment nous écœurer. Alors, comment dirais-je, Argyle. Oui, bah je confirme ce que dit Astérix. En fait, la victoire de Donald Trump, la réussite de sa campagne électorale, c'est l'inverse total de la dédiabolisation de Marine Le Pen. Alors, quand j'en vois qui disent, ouais, Donald Trump, aujourd'hui, Marine en 2017, c'est l'inverse. La stratégie de Marine Le Pen, et même le fond, en fait, de son programme, c'est l'inverse de Trump. C'est-à-dire que Trump, il est totalement décomplexé. Il aura dit, allez tous vous faire foutre, et il a avancé comme un bulldozer. Marine Le Pen est à plat ventre devant les faiseurs d'opinion, les sondages, les médias, ses adversaires politiques. Donc c'est évident que c'est incomparable. C'est que si y a pas juste, c'est pas du tout comparable au phénomène Trump. Voilà, Astérix a tout à fait raison qu'ils vont forcément se planter parce qu'ils refuseront de changer radicalement de cap d'un coup. Donc moi, ce que je voulais revenir aussi sur quelque chose qui a été la com alternative en fait utilisée par Donald Trump et son équipe de campagne. On a essayé de les faire passer pour des ringards, des vieux cons, l'Amérique vieillissante, obsolète, tout ce qu'on veut. Mais en attendant, ils ont utilisé les médias alternatifs, les réseaux sociaux, différentes méthodes qui sont utilisées particulièrement par les jeunes, mais aussi par tout ce qui est, on va dire, alternatif à tous les niveaux. Et ça a fonctionné. pas, malgré la quasi-totalité des médias, des associations, enfin de tout ce que compte en fait l'Amérique qui sert à informer le peuple américain, ils ont réussi d'un point de vue massif et efficace et victorieux à réinformer le peuple américain avec des moyens relativement faibles grâce à des militants actifs sur les réseaux sociaux, grâce à des sites internet alternatifs. Il faut absolument mettre ça en avant, c'est particulièrement intéressant pour l'avenir et pour aller par rapport aux autres pays qui cherchent à se libérer, il faut utiliser ces moyens. Et là, Trump l'a fait, et aussi à aucun moment, comme l'a dit Astérix, il ne s'est couché devant la diabolisation que lui ont fait, que lui a fait la caste politico-médiatique. Donc je crois qu'il faut en prendre de la graine et ne pas minimiser l'impact que peut avoir le trollage ou que peut avoir la présence sur les réseaux sociaux, là où la plupart des gens maintenant vont se réinformer. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que Trump, on peut dire, c'est le premier type qui est passé par Twitter pour faire sa communication politique en tant que candidat à la présidentielle américaine. C'est-à-dire que c'est un type qui a chinté les médias mainstream. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y a entre le peuple et le candidat à la présidentielle, et puis ensuite maintenant le président, il y a une couche d'intermédiaires qui sont stipendiés par des intérêts, comme il a les special interests, comme il dit, c'est-à-dire des intérêts particuliers, des intérêts obscurs de la finance internationale, qui déforment les messages en fonction de leur propre agenda. Et c'est quelqu'un qui peut, grâce aux médias modernes, et tu l'as bien dit, peut délivrer directement son message. Il peut dire ce qu'il pense de quelque chose. Et ça, effectivement, c'est crucial. Parce que c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, j'allais dire, c'est bonapartiste, mais c'est bonapartiste 2.0. Parce que, comment dire, on ne peut plus le stopper et on ne peut plus l'empêcher de dire ce qu'il pense. Et je vous invite à regarder, parce que ça c'est disponible, je vous invite à consulter ces innombrables tweets depuis 2013 même, où il a des propos très politiquement incorrects sur beaucoup de sujets, donc avant même qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, donc au moins 2 ans avant, et vraiment ça vaut le coup. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, et comme il a dit... j'ai pas le temps pour le politiquement correct et l'Amérique n'a pas le temps pour le politiquement correct. Évidemment, bon, là pour le coup, je vais rentrer dans ce que tu as dit, hein, c'est le débat un petit peu partisan que tu as dit. Effectivement, Marine Le Pen et son parti, eux, visiblement, ont du temps pour le politiquement correct et pensent que la France a du temps pour le politiquement correct et donc s'y plie. Quoi. Ça, c'est un fait. Ils ont dégagé le temps français. Astérix, je suis obligé de passer la parole à Captain America. Ok, merci Gandalf. Donc, je voulais intervenir sur ce qu'on dit Asté et Argyle, donc je ne vais pas revenir dessus, mais là, je vais m'adresser directement aux gens de notre milieu, en fait, qui écoutent l'émission. On a un travail à faire, non seulement... Alors, pour parler de nous, on a un travail à faire parce que nous, on n'a pas de Trump en France. Trump, avec sa campagne, il a fait le boulot par lui-même, comme vient très bien de le dire Gandalf. Nous, on a Marine Le Pen. Quoi. Marine Le Pen, c'est de la chiasse. Je suis désolé si vous êtes du FN, mais le FN et Marine Le Pen, c'est de la merde en barre. Comme a dit Argyle, elle se couche devant le système. Donc, si vous voulez, c'est la seule possibilité électorale qu'on a. On est tous conscients de ça. En revanche, le truc, c'est que c'est à nous de faire le travail. Et donc... il faut vraiment que vous utilisiez n'importe quel moyen, que ce soit le trollage avec des faux comptes, ou que ce soit le fait de parler avec vos collègues, essayer de les prendre à contre-pied avec la douche écossaise. C'est vraiment à nous de faire ça, en fait, si on veut qu'il y ait quelque chose en France. Et là, je vais revenir sur Trump. Il a gagné, je vais être un peu rabat-joie. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que le vrai travail va commencer, parce que les États-Unis sont tiraillés par deux factions. Il y a vraiment la faction anti-blanc, qui est très très très installé dans tout ce qui est officine gouvernementale, hein, que ce soit la CIA, le FBI et tout le reste. Et il y a les gens au sein même de ces institutions qui veulent véritablement sauver l'Amérique. Donc on peut se réjouir, oui, mais leur travail va commencer. Et le nôtre aussi. Voilà, je te laisse la parole, Donald. Ouais, c'est très juste. Alors on va commencer cette émission maintenant. C'est une émission spéciale, hein, donc comment dirais-je, elle est structurée de façon différente. Donc on commence par le premier sujet maintenant. Rubrique numéro 1, non, numéro 2, parce que la première c'était vos réactions. C'est, bon, je l'ai intitulé les médias en PLS, hein, position latérale de sécurité. Alors là, la réaction médiatique, enfin, c'est, vous l'avez dit, hein, dans la première partie, surtout Fred, effectivement, ils ont vendu pendant plus d'un an. La désignation officielle de Trump, c'était à l'été 2016, donc c'est assez récent, mais on va dire que c'était le dernier dans la ligne droite depuis au moins 8 mois, quoi. Mais nous, en tout cas, moi, je m'inclus dedans. Moi, j'ai su que dès qu'il a fait sa déclaration de candidature, moi, j'ai dit, ce mec-là sera président des États-Unis. Moi, ça a été, j'ai jamais démordu de ça depuis plus d'un an et demi. J'ai dit, ce mec-là sera candidat. Et depuis des mois, au moins 6 mois, si c'est pas plus, parce qu'avant, ils voulaient un peu le dénigrer, pas le crédibiliser trop, ils ont fait semblant de l'ignorer. Et puis ensuite, il a commencé à monter. Et ils nous ont servi des sondages en disant, mais non, mais il peut pas, c'est impossible et tout. Et quelques jours même avant l'élection, les types étaient encore à dire que mathématiquement c'est impossible, il peut pas gagner. Et alors ils vous expliquaient avec de l'alchimie politique bidon, bah oui, mais regardez tel état, tel truc, voilà. Et les mecs se sont convaincus de leur connerie. Et tout d'un coup arrive ce qui ne doit pas arriver. Et là, réaction médiatique, c'est la déconfiture. Et c'est un peu c'est même ce que je veux aborder avec vous dans cette seconde rubrique, c'est donc les médias français en PLS. Je précise français, mais c'est pareil aux États-Unis. Hein. Mais évidemment, pour ceux qui nous écoutent, les médias français. Alors, numéro 1, et là, je prends vraiment vos réactions, c'est Yann Barthès. Alors, je sais, enfin, Yann, excusez-moi, je présente ça en breton. Yann Barthès. Alors, Yann Barthès, décomposé. Hein, qui veut parler de Yann Barthès, là? Astérix, vas-y. Ah oui, autant pour moi. Attends, il y a l'ordre. Derek. Ouais, Yann Barthès, c'est vrai qu'il avait prévu son émission nocturne, pensant qu'Hillary Clinton allait être élu, voilà, donc il allait faire son petit live sympathique pour ses copains gauchias. Et puis au final, tu vois, ça s'est fini que le mec a fait tirer une gueule d'enterrement et que tu as eu une espèce de petite étudiante, là, une merdeuse là, qui s'est mise à chialer dans le public. Quoi. Bon, ça c'est bon. C'est Yann Barthès. Il y a un mec aussi qui est assez, qui est assez extrémiste. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'à 6 ou 7 heures du matin, où en gros, nous, on savait que c'était plié. Donc c'est le Olivier Ravanello, spécialiste des questions internationales à iTélé. Donc sur iTélé, voilà, il a fait le beau, il a dit moi je suis pas dans l'analyse des réseaux, etc., réseaux sociaux, etc. Je suis dans de la vieille école, j'analyse la science politique et je vous dis que Hillary Clinton va gagner. Alors qu'elle avait déjà perdu. C'est assez. Oui, il est de la vieille école, donc oui, effectivement. Ah, c'était un peu trop vieille, ouais. Il est de l'école mourante. Ah ouais, non, mais je vous invite, quoi. Là, effectivement, on a chanté la rubrique autisme radical, mais là, lui, il avait droit, hein, parce que, enfin, à 7h, 6, ouais, même à 6h du matin, c'était plié, quoi. Je me souviens de notre petite soirée électorale, là, du début de mercredi. Ouais, voilà, c'était fini. Ouais, c'est beau. Mais Ravanello est connu parce que, simplement pour situer, pour ceux qui nous écoutent, c'est le monsieur néoconservateur du gouvernement français sur iTélé depuis au moins 4 ou 5 ans. C'est lui qui vendait déjà la guerre en Syrie en 2011 hein, comme un cintré qui appelait à détruire Bachar al-Assad, etc. Et les mecs sentent quand même le chômage technique se profiler à l'horizon. Donc il faut comprendre aussi un petit peu le déni de réalité. Alors, capitaliste, je t'écoute. Les médias sont totalement en PLS. Ils ont eu un problème de prévision. Alors, je vais vous lire quelques news des médias. C'est des titres d'articles. Hein. BFM TV. C'est mathématique, Hillary Clinton devrait devenir la prochaine présidente des États-Unis. Un autre article de BFM TV. Trump dépasserait Hitler sur l'échelle de la psychopathie. Un autre article. Le Huffington Post qui dit « Nos modèles de prévision donnent Hillary Clinton vainqueur à 98,1%, c'est précis quand même, dirigé par Anne Sinclair. Hein. » Puis après, il y a aussi, enfin, ils n'ont même pas anticipé qu'il pouvait y avoir autre chose. Par exemple, avec Hollande qui disait, aux États-Unis, il y a des élections qui vont se produire, une présidente va être élue. D'ailleurs, il avait Ouais, même pas voilà. rédigé une autre lettre. Oui, effectivement. Alors ça, oui, effectivement, c'est effectivement, il a pas prévu de lettre pour féliciter Donald Trump. C'était acté, c'était décidé. L'oligarchie avait tranché. Tous les gouvernements laquais de ce système avaient été briefés. C'est bon, les gars, mais vous en faites pas et tout. Les sondages, on a tellement matraqué. Et en fait, les mecs se sont pris un râteau énorme, effectivement. Astérix. Eh ben toujours pareil à chaque fois finalement parce que bon bah on faut pas compter sur eux pour être beaux joueurs et pour avouer qui avait raison qui avait tort donc faut bien qu'on fasse le boulot nous-mêmes tu l'as rappelé toi avant tout le monde tu as misé sur Trump ici beaucoup de gens ont misé sur Trump on était beaucoup à y croire beaucoup à avoir des informations qui concordaient pour nous faire penser à une probable ou en tout cas une possible victoire de Trump. Donc, il va bien falloir à un moment donné que tous ces petits gauchistes admettent les faits, la légitimité de fait. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois raison. On prévient à chaque fois Bachar el-Assad, combat contre la démocratie. On a prévenu que ça allait être des islamistes. Résultat, il y a Daesh 3 ans plus tard, il y a des attentats en France. Là, on prévient que Trump va passer, il passe. On les prévient à chaque fois. Et ils veulent vraiment crever, ils vont jamais, ils vont nous écouter. Et puis il y a une autre chose par rapport aux réactions, puisque là en fait on parlait des réactions, c'est pour ça que moi ça me fait dire presque qu'il y a quelque chose de divin dans cette histoire-là, c'est qu'on voit des espèces de créatures démoniaques, des espèces de gargouilles comme Maître Gims, ils implosent en fait, ils se dissolvent d'un seul coup, il n'y a plus rien. Le mec arrête la musique, il peut plus quoi. L'air est devenu trop pur, tout est devenu trop beau et cette vermine se désintègre. Bah, c'est là qu'effectivement tu as dit c'est divin, c'est-à-dire que le Saint-Esprit descend sur nous et tout d'un coup, soudainement, les nègres se désintègrent, les rappeurs partent à l'étranger, c'est magnifique. Captain, tu voulais parler? Ouais. En fait, Ravanello, là, donc l'intervenant sur BFM TV, il est en plein déni de réalité. Mais je veux dire, ça fait combien de dizaines d'années qu'on est en plein déni de réalité? Il faut bien comprendre un truc, c'est que ces mecs-là, leur monde est en train de s'écrouler parce que ça fait des années et des années qu'ils sont payés non seulement pour nous enfumer, mais pour faciliter la destruction de l'Europe via l'immigration de masse, quoi. Et ces gens-là, ils voient arriver Trump. Ils sont en train de se dire véritablement, ma vie va s'écrouler. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont soutenu, ces gens-là, même s'ils ne le savent pas consciemment, ils doivent quand même sentir qu'ils sont sur la sellette, quoi. Effectivement, ouais, c'est. Alors, de Benoît que je n'aime pas et qu'on est un certain nombre à ne pas aimer, a fait une comparaison. Elle est peut-être pas juste, mais il a dit que c'est l'équivalent de la chute du mur de Berlin. C'est peut-être exagéré, je ne sais pas, mais c'est un changement historique. C'est pas une élection bidon, genre voilà, on a mis un mec de droite contre un mec de gauche. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et on va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, il y avait Fred qui voulait prendre la parole. Ouais, moi c'est par rapport aux mecs qui se dissolvent là sur place, ça me fait penser à cette expérience, n'est-ce pas, scientifique, où ce mec qui vivait dans une cité avait balancé à plein volume de la musique classique aux zonards en bas de ses tours, et qui constatait que tout d'un coup, il disparaissait, quoi, il s'enfuyait. Et avec l'accession de Trump à la présidence, bon, alors, on n'en est pas encore là, mais disons avec la victoire lors de l'élection, on a la même impression. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a un patriarche blanc. Sûr de lui et dominateur, hein, j'ai envie de dire, donc le gros mania de l'immobilier, etc., fortune personnelle, qui arrive et qui pose ses couilles sur la table, et là tout d'un coup on a l'impression que tous les cafards sont en train un petit peu de se disperser et qu'ils cherchent une planque. Donc oui, ça m'a rappelé cette expérience. Voilà. Ah, il s'est passé des choses comme ça dans les années 30 où des cafards sont partis aussi très très loin. Je ne sais pas, moi, c'est une analogie que je fais. Je ne sais pas. Alors, sujet numéro 2, donc, enfin, on est parti loin de Barthez, mais Barthez était décomposé. Enfin, vous savez, il a toujours cette gueule du journal français, comment dire, bobo. Enfin, ce mot devient galvaudé à force, mais bobo, quoi. le mec hyper narquois qui se fout de notre gueule à longueur d'année, qui est payé des sommes énormes pour ça, et tout d'un coup, voilà, tout est sérieux, c'est fini, on arrête de jouer. Maintenant, voilà, ça devient réel, quoi. On arrête le. Ouais, c'est vas-y. Il incarne totalement le nihilo-parisianisme, quoi. C'est-à-dire le nihilisme sécularisé, parce que je pense pas qu'Yann Barthès et Lunitch, tu vois, mais c'est les mecs en fait qu'ont plus aucune croyance, qu'ont plus rien d'autre que leur petite jouissance de se taper quelques rails de coke dans des carrés VIP pendant que la France entière est en train de s'effondrer. Ce sont des espèces de sadiques finalement qui s'ignorent, hein, parce que je pense même pas qu'ils se rendent compte qu'il est sadique. Je pense que dans ces soirées bobo, ils parlent que d'amour, ils parlent de belles choses, mais ce sont des gens. C'est le dysgénisme ambiant qui a pu faire monter Yann Barthès là où il en est. Sinon, on sait très bien ce qu'il serait. Hein. Bagdad. Réceptionniste, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, bah écoute, moi, quand je vois Barthès et consorts, très honnêtement, je me dis que le beauf, au final, c'est pas moi, c'est eux, c'est lui. Le bobo, c'est le beauf des années à venir. C'est le type arrogant, inculte, qui est vraiment, enfin, totalement en rupture avec la réalité, et qui en plus a la prétention d'être plus conscient que la moyenne. Bah, ces types-là, c'est les beaux des années à venir, et il faut vraiment inventer un nouveau terme. Pour moi, bobo, c'est assez gentil en fait, hein. Bourgeois bohème, c'est presque tolérant, c'est trop gentil. En fait. Le bohème, c'est trop gentil. Ouais, c'est plutôt bourgeois beauf, quoi. C'est beauf, quoi. Ouais, comme ouais, beauf, ouais, exactement. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, quoi. Les mecs, c'est rien du tout. Ils vivent au crochet de l'État, de la presse. Ils font de la merde. Leurs émissions sont nullissimes. Ils sont même pas marrants. Ils ont rien, en fait. Ils sont. Si encore les humoristes anti-Trump et anti-Le Pen étaient marrants, pourquoi pas, tu vois? Et quand tu regardes ce qu'a fait les guignols de l'info sur Trump, bah c'est à gerber. Et j'ai regardé leur compte Dailymotion, il est à quelques centaines de vues. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de moyens pour faire un gros truc anti-Trump, mais personne ne regarde parce que c'est nul. Donc, même sur leur terrain de prédilection, les mecs sont nuls. J'espère qu'ils vont disparaître. J'espère que dans les années à venir, ce sera d'autres plateformes qui vont prendre le contrôle, qui vont faire un petit peu marrer les gens sur des trucs un peu sympas, un peu rigolos. Et j'espère que tous les éditorialistes politiques à la Minc, à la Barbier, à la Ranavello, à la Nicole Baccarant, j'espère qu'ils vont tous prendre leur clic et leur claque et se barrer tranquillement chez eux et qu'ils vont pas ressortir leur gueule tranquillement dans chez eux, là je proteste. Tranquillement chez eux, là je. On en reparlera après l'émission, mais je propose autre chose. Hein. Alors, comment dire, je partage par contre totalement ton analyse sur tout ce que tu as dit, absolument juste. C'est-à-dire, aucun humour, tu sens que c'est. Les types sont. Enfin, ils arrivent en haut de la côte. Ils sont has-been, ultra has-been. Ouais, c'est has-been, c'est fini, c'est. Voilà, c'est. C'est faire marrer, voilà, c'est terminé, complet. Fred, tu veux parler? Oui, je voulais dire par rapport à Barthès, qui est quand même une putain de pédale urbaine, quoi, que c'est aussi un des critères hein, avec lesquels on peut analyser l'élection de Trump, c'est-à-dire c'est la revanche, quelque part, de l'Amérique rurale. Alors, c'est peut-être pas aussi prononcé, il y a quand même quelques centres urbains où, effectivement, ça a dû voter un peu pour lui, mais globalement, l'élection de Trump, c'est les centres urbains, donc avec très forte densité de population, qui ont voté très majoritairement Clinton, démocrate, etc. En gros, c'est des pédales urbaines amoureux de leurs animaux africains qui votent pour la gauchiasse américaine contre l'Amérique profonde, n'est-ce pas? Donc, c'est la revanche des rednecks, quelque part. Qui est venu au secours du candidat des Blancs, quoi. Et donc, quelque part, on peut dire aussi merci aux rednecks, hein, parce qu'ils ont, ils ont assuré. Hein. La Floride allait rester du côté de Clinton jusqu'à ce que ce qu'on appelle le Panhandle, c'est-à-dire la zone nord-ouest de la Floride qui est extrêmement rurale, balance des scores soviétiques pour Trump, quoi, c'est-à-dire du 80%, des choses comme ça. Donc merci les rednecks et merci l'Amérique profonde. Eh ben, quand j'aurai l'occasion de voyager aux États-Unis et en Floride, j'irai dans cette région particulière qui a quand même sauvé l'Amérique du désastre, on peut quand même le dire. Qui a sauvé le monde. Et le monde, oui, qui a sauvé le monde. Derek, vas-y, tu veux parler. Oui, oui, donc juste le petit Barthez, là, moi je l'avais croisé, pour dire que quand tu le vois en vrai, il se balade avec un jean taille 14 ans, un t-shirt de collégien, une casquette de nègre. Hein. C'est absolument ridicule, surtout avec ses cheveux grisonnants là, qui sortent de la casquette. Voilà. Donc, j'ai rien de très civil à dire là. Bon, j'enchaîne sans transition sur Cyril Hanouna. Si, obligé. Hein. J'arrive avec mes pots d'huile là, voilà, j'arrive. Bon, alors j'explique. Hein. Pour nos auditeurs, je cite une coupure de presse pour contextualiser. Cyril Hanouna a offert aux téléspectateurs de C8 un drôle de happening pour protester contre l'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Avant de rendre l'antenne, bah, il n'est pas con quand même, il fait les sous avant, le présentateur de TPMP a transformé son émission en « Trump, pas à mon poste ». Cyril Hanouna a donc, dans un premier temps, demandé au... Et là, l'article cite notre ami d'Afrique, aux personnes d'origine mexicaine de quitter le plateau en faisant référence aux multiples attaques portées par Trump contre le Mexique. Là, un homme s'est levé et a rejoint les coulisses de l'émission sous les applaudissements. Ensuite, Baba, je présume que c'est le Hanouna, quoi, a poursuivi son TPMP revisité pour pouvoir faire Trump. Pas à mon poste, avant de démarrer l'émission, je voudrais demander à toutes les femmes de sortir. Apparemment, ça ne passera pas. Lance-t-il avant que toute la gente féminine ne quitte réellement le plateau. Donc en fait, il fait une espèce de blague en disant « Mais non, ils partiront jamais », et en fait, ils partent réellement, quoi. Quasiment tout le reste du public a quitté la salle. Les derniers sur ordre des vigiles prouvent que l'happening a tout de même été préparé. À ce moment-là, seul l'invité du jour, Sébastien Coé, reste sur le plateau vide avant de lâcher, dépité. Bon, je vais y aller aussi. C8 a ensuite rendu l'antenne dans le silence sur les images du plateau totalement déserté de TPMP. Alors, je vais prendre les réactions. Capitaliste. Hanouna, il revendique avoir triché à toutes les épreuves du baccalauréat. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de niveau au baccalauréat. Donc, faut pas trop lui en vouloir au pauvre petit. Il ne doit pas avoir assez de neurones pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas aussi con que tu penses. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas lui enlever ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Mais j'ai précisé dans le truc, c'est-à-dire qu'en fait, dans son espèce d'apning machin où on chiale et tout est téléguidé, on fait semblant de s'indigner et tout, machin. Oh là là, il va... Oh mon Dieu, ça y est, c'est bon, c'est l'accession d'Adolf Hitler à la Maison Blanche, etc. Ce qui est peut-être vrai, d'ailleurs. C'est terrible, on va pas s'en remettre et tout. Et le mec, tu vois, il touche quand même ses thunes avant, c'est-à-dire qu'il fait pas le boycott au début, tu vois. Il fait pas son truc, ouais, voilà, on est tous virés et tout, voilà, bah pas d'émission aujourd'hui. Non, attends, vas-y, les gars, on prend la thune d'abord, hein, voilà. Hein, bon. Et puis ensuite, voilà, on va chialer 3 minutes à la fin, etc. Voilà. Voilà. C'est ça, ces gens, tu vois. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Astérix. Ah non, attends, bon, hein. Argyle. Oui, juste très rapidement, moi je pense que la LICRA ou d'autres officines représentatives du petit peuple qui a beaucoup souffert pourrait quasiment porter plainte contre Cyril Hanouna, puisque je pense qu'à lui tout seul, rien qu'en montrant sa gueule et par l'intermédiaire de ses émissions, il suscite l'antisémitisme, je pense, chez des gens qui n'étaient pas du tout prédisposés à l'être. Donc je pense que c'est une telle caricature du peuple dont il est issu que les officines chargées de défendre ce peuple devraient demander à ce que Cyril Hanouna ne passe plus à la télé, parce que je pense que il suscite un tel rejet chez les gens normaux que ça peut rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Alors moi, je voulais réagir. Justement, je pense que tout ça, c'est lié à ce dont on parlait il y a quelques minutes, à savoir qu'ils se rendent compte qu'ils sont has-been. Bon, il y a ceux qui sont has-been, ils jugent avec leur petit point de vue has-been, donc eux, ils s'en rendent pas compte, les apathies, les machins, les Juppé, tout ça. Bon, ça va, là, on tire la chasse, c'est terminé. Mais derrière ce qu'on va appeler le système, hein, il y a quand même des têtes pensantes. Et il y a surtout des agences de marketing. Il faut savoir que tout, que ce soit les médias, que ce soit la politique, systématiquement, la partie la plus importante dans tous les cas reste la partie marketing. C'est la partie où ils investissent le plus. Ce sont les gens les mieux payés dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, ce sont les gens qui travaillent dans le marketing qui sont mieux payés. Les gens qui travaillent dans le marketing, ce sont des gens qui ils savent comment vous fonctionnez mieux que vous, vous comprenez comment vous fonctionnez. Et là, ils savent, hein, si ce ne sont pas comme les tocards dont on parlait auparavant. C'est les agences de marketing, elles ont compris. Elles savent, là, on est has-been, on est en train de se faire doubler par le net. Il y a des mecs qui sortent de nulle part, qui arrivent à faire des millions de vues sur Internet. Nous, on est complètement has-been, chacune de nos émissions est un fiasco. Donc, ils vont prendre un virage. Hein. Et ce genre d'événement en fait partie. C'est-à-dire, ils vont faire des trucs de plus en plus gros, de l'événementiel, parce que vu qu'il n'y a rien au fond à nous opposer, sur le plan idéologique, ils sont laminés, ils sont chaos technique, il n'y aura plus que la forme, plus que le marketing. Donc, ils vont tenter de plus en plus de coups comme ça, des coups de plus en plus farfelus, de plus en plus... Et puis, je pense que personne ne va y adhérer. Parce que malheureusement, le marketing... C'est-à-dire que le marketing, ça existe. On peut manipuler les cerveaux, mais il faut quand même qu'il y ait... C'est-à-dire que les pantalons à une jambe, tu peux les vendre un petit peu, quelques... Je vois ce que tu veux dire. Sur quelques mois, mais ça doit s'arrêter. Au bout d'un moment, il y a le bouche à oreille, les gens le savent, quoi. Ton propos est lumineux, Astérix. Lumineux. Je pense que là, t'as mis le doigt sur ce qu'il fallait mettre. Exactement. C'est-à-dire que les médias du système sont exactement là-dessus et ils vont évoluer vers ça. Là, j'aurais pas formulé ça beaucoup mieux. Fred. Bah oui, pour rebondir par rapport à ce que disait Argyle, moi je pense qu'il n'y a pas que les Juifs hein, qui devraient militer pour faire dégager Hanouna qui provoque effectivement antisémitisme viscéral. Je pense qu'il y a aussi tous les bougnoules, parce que franchement, vous faites un Google Images sur Hanouna, c'est pas seulement une tronche de sale juif, c'est une tronche de sale boucaque, hein, c'est mélangé, on ne sait pas si c'est de l'égyptien, je ne sais quoi, enfin bon bref. Et personnellement, quand je vois sa gueule, et je pense que c'est un feeling qui vient naturellement, on a quand même envie de rouvrir des camps de vacances pour tous les sémites, toutes catégories confondues, quoi. Hein. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à militer pour Hanouna. voilà. Si vous voulez vous préserver quelque part encore un petit peu, il faut qu'il s'en aille. Non, mais c'est vrai que ça serait bien un camp de vacances en Algérie avec... les boucaques Hanouna et son équipe, et puis les téléspectateurs d'Hanouna. Voilà. Alors, oui, je précise avec des animateurs, enfin des gentils animateurs de l'État islamique. Hein. Bon, hein. Moi j'ai beaucoup d'idées, il faut me demander, moi aussi je suis très créatif. Alors, les gars, sans transition aucune, je continue sur ma lancée. Sujet numéro 3 de cette catégorie, les médias en PLS, parce qu'ils étaient désespérés quand même. Ils étaient... Alors, pour nos auditeurs, l'équipe, là, l'équipe du, comment dirais-je, de démocratie participative était en fait en live, enfin, entre nous, on n'émettait pas, bien sûr, mais on était en live pour suivre les élections, c'est-à-dire que c'était une nuit blanche, et on regardait chaque état en direct, les comtés et tout, enfin, on voulait vraiment voir notre candidat favori gagner cette élection, et on était vraiment derrière, et dans la foulée, on a eu la réaction des médias français, qui était évidemment, vous vous en doutez, très très éloignée, et on a eu des trucs surréalistes qui ont commencé à apparaître dans les médias les plus sérieux. Alors là, je cite donc mon sujet numéro 3, qui est très rigolo, quoi, qui s'intitule... C'est sur BFM TV, hein, c'est ça, ça s'intitule « Rendez-nous Obama ». Alors, je lis, hein, j'invente rien. Un Tunisien, apparemment mécontent de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, a escaladé ce jeudi l'un des principaux monuments de Tunis. Il exigeait que Barack Obama reste à son poste, ont indiqué le ministère de l'Intérieur et des témoins. L'homme qui a escaladé au petit matin sur cette tour horloge de 32 mètres de haut en plein centre de Tunis, était en état d'ivresse. Donc les musulmans pas contents qui sont bourrés, quoi, vous imaginez. Il est monté sur l'horloge et il a commencé à crier « Rendez-nous Obama !» a raconté un témoin attablé à un café tout proche. Il a d'abord commencé à dire qu'il ne voulait pas d'un retour un bougnoul, hein, machin, le dictateur tunisien renversé à la révolution 2011. Puis il a crié qu'il voulait qu'on lui rende Obama, a décrit un policier ayant assisté à la scène. Il avait l'air ivre, ça a pris du temps aux collègues de le convaincre de descendre, a-t-il ajouté. Voilà. Alors ça, c'était BFM TV qui expliquait, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans le détail de l'article, vous avez ces détails-là. Mais il y avait juste le titre sur les réseaux sociaux, sur Google Actualité et tout, genre « Un Tunisien, voilà, proteste, etc. Et va symboliquement sur un des plus hauts monuments de Tunis dire qu'il veut qu'on lui rende Obama, hein, le Kenyan musulman. » Cet état de désespoir des médias français était fabuleux, quoi. Qui veut réagir là-dessus ? Ah, Derek, vas-y. Non, mais BFM TV, c'est vrai que bon, les articles, les compagnies, ça a été assez exceptionnel. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est assez communautaire, hein, BFM TV, on le sait. Hein. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le mec sur Télématin, quoi, le mercredi matin, face à William Lémergie, qui rappelle que la nuit de cristal avait eu lieu... un 9 novembre, quoi. Qui l'a dit, puis là, il tirait une tronche pas possible, quoi, sur le service public. Ah, mais je sais plus le nom du mec, mais c'est vrai, sur le service public, t'avais le mec avec une tronche, comme s'il avait enterré toute sa famille qui avait été écrasée sous un train, quoi. Et puis qui te disait, voilà, alors là, 9 novembre, nuit de cristal, élection de Donald Trump. Voilà, c'est. Ah, c'est jouissif, quoi, jouissif. Putain, mais il se passe des choses, les gars. Je veux dire, je sais pas ce qu'on a fait, mais on a un karma très très bon, là. On a un karma très très bon. Ouais, vas-y. J'ajoute, hein, depuis, il y a aussi, là, on l'a appris il y a quelques heures, Malek Chebel est mort. Donc, voilà, il y a une magie qui s'opère. là, en ce moment. Sérieux? Ouais, Malek Chebel est mort. Cette crevure qui avait osé défier Dantec contre le grand djihad. Dantec, voilà. Qui disait qu'il y aurait un grand... Ah, et j'ai le bouquin. Alors, attends, parce que là, tu me prends un show, là. J'ai le bouquin de Dantec qui s'appelle American Black Box, qui est un bouquin très original. C'est le bouquin d'un artiste, quoi. Mais dans lequel il explique que le futur de l'Occident, c'est l'alliance entre les États-Unis et la Russie contre l'islam et l'invasion islamique en Europe, et que ces Européens de tapette collaboreraient activement avec l'islam. C'est ce qu'il écrit dans son bouquin, je l'ai sous la main, prophétique, main. Hein, c'est prophétique. C'est prophétique, il parle mal avec Chebel en disant que c'est une crapule première. Ah, c'est fabuleux, les gars, là il se passe des choses. Reconnaissance posthume pour notre ami Dantec. Et donc voilà, Dantec qui a raison, hein, finalement, après sa mort. Chebel qui ne peut pas supporter. Grand djihad, la notion de grand djihad. Hein, il ne peut pas supporter ça. Ouais, non, mais il ne peut pas supporter toute cette énergie qui arrive pour faire du remove kebab, quoi. Donc ça, et puis il y a aussi Leonard Cohen aussi qui nous a quitté, une grande perte pour le monde. Voilà, c'est il y a la chanson d'abord New York, ensuite Berlin. Voilà, d'abord Manhattan, ensuite Berlin, ça sera peut-être le leitmotiv de l'émission, n'est-ce pas? Mais mais on inverse. Voilà. D'abord New York avec Trump, et puis ensuite. Ben c'est ça. C'est comme le 11 septembre, et que là c'est transformé en 9 novembre, c'est à l'envers, quoi. Les choses se passent. Inversion des valeurs, convergence scatologique, tout ça. Voilà, il se passe des choses. Astérix. C'est vrai, Dantec, bravo à lui. Cela dit, quand même, pour pas faire d'anachronisme, Dantec avait prévu cette alliance à l'époque de Bush. Hein. Alors, Trump se positionne contre Bush et il est contre les néoconservateurs. Oui, c'est vrai. Il n'était pas totalement prophétique. Quoi. Mais, oui, mais enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que si tu dis Dantec, c'est en fait, il se plante sur le côté... immédiat du truc. Mais il dit fondamentalement, c'est dans la philosophie, il se plonge dans le truc, et il dit fondamentalement, il dit, c'est pas possible que la Russie chrétienne et que l'Amérique chrétienne, et justement l'Amérique des Reichneck, ne finissent pas par converger contre l'invasion bougnoulique. C'est ça qu'il explique, en fait. Ça, c'est prophétique, c'est vrai. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'il s'est gouré, parce que, mais en même temps, tu vois, c'est difficile aussi d'être pointu sur tout. Et puis Bush et ses conseillers ont été assez ambivalents, parce qu'en fait, les anti-musulmans fanatiques étaient très minoritaires dans l'administration Bush, en fait. Il y en avait, mais ils étaient minoritaires, souvent juifs d'ailleurs, mais minoritaires. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, le contexte est très différent. Et il mobilisait un peu l'Amérique redneck, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment ce qui est très intéressant dans le mouvement actuel, c'est qu'on a la classe ouvrière américaine. On a des rednecks, mais on a la classe ouvrière américaine. Et puis, on a un discours qui est clair, quoi. Je veux dire que ne tenait même pas bouche, quoi. Ah oui, bon. Et puis tous les entrepreneurs aussi, parce que l'État Obama, c'était atroce pour les entrepreneurs par rapport à ce qu'étaient les États-Unis il y a 10-15 ans. Ça devenait de moins en moins libéral et ça devenait. Ouais. On a des gens qui connaissent assez bien les États-Unis et qui nous en ont parlé. On sait de quoi il s'agit, quoi. Obama était en train de socialiser ce pays qui aspire profondément à la liberté et au libéralisme, quoi. En tout cas, le truc, c'est aussi. Là, c'est Derek qui le fait observer. C'est effectivement. C'est que Bush était. Enfin, il a manipulé le côté religieux évangéliste, qui est mort, en fait, parce qu'il faut le savoir. Hein, Trump a tué le courant évangéliste. Ça, il faut bien le comprendre. Les gens ne le comprennent peut-être pas, mais c'est un mec qui a dit, en gros, la religion, enfin, la religion, le côté hystérique de la religion évangéliste, etc., ça, on s'en fout. Soyons pragmatiques, tout en étant dans une logique de confrontation face à l'islam, sur des trucs très, très concrets, ou face à l'immigration. Ce qui parle beaucoup plus à un public européen, d'ailleurs, parce que il y avait un côté un peu ésotérique dans l'évangélisme, évidemment, américain. D'ailleurs, les évangélistes enfin, l'ont soutenu, évidemment, mais tout en le critiquant un peu, quoi. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Il leur a donné Mike Pence pour les rassurer, en fait, le vice-président. Ouais, d'aucuns disent d'ailleurs que c'est une assurance vie, hein, Mike Pence. Mike Pence, qui est... pourquoi ? Alors, pourquoi je dis ça ? C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est les observateurs disent si jamais des gens étaient tentés d'assassiner Trump, parce qu'il faut quand même comprendre un truc, c'est-à-dire que Pence... Trump, à côté, passe pour un gentil centriste de gauche. Bah, je veux juste un truc. Pence, c'est quand même un mec qui a soutenu publiquement la position sur l'homosexualité qu'il fallait utiliser des thérapies d'électrochoc, hein, sur les homosexuels. Donc voilà. Donc on est quand même très loin de la Gay Pride. Hein. Alors peut-être qu'on va finalement retourner notre veste et puis on va dire que Trump, faut pas qu'il soit élu, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Non. Non mais c'est quelqu'un qui vient d'une famille catholique, très pratiquante, mais qui est devenu évangéliste. Par contre, qui est très bon au niveau politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Et d'ailleurs, Trump l'a dit, hein, c'est-à-dire que là, je vous donne des news fraîches qui sortent, voilà, parce que je fouine, et le mec explique en fait que ça sera probablement un des présidents qui sera un des plus puissants de toute l'histoire des États-Unis. Parce que Trump, qui n'est pas un politicien, compte lui donner beaucoup de prérogatives, notamment dans les rapports avec le Congrès, donc c'est-à-dire le Sénat, la Chambre des représentants, pour tout le travail législatif, etc. Donc, tout le travail vraiment politique, politicien, quoi. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, c'est pratiquement un Premier ministre. Pratiquement un Premier ministre. Et ce type, Pence, est juste un type qui est, je veux dire, à l'extrême droite de Donald Trump. Donc, évidemment, si vous amusez à bousiller Donald Trump, à l'abattre, vous aurez Pence à la Maison Blanche. Bon, alors de là à se lancer dans des conjectures, j'irai pas, mais bon, disons que vous n'aurez pas un centriste mou à la place, quoi. Ça, il faut faire une croix là-dessus. Vous aurez un mec qui voudra envoyer des électrochocs au PD. L'Amérique est un pays extraordinaire. Bon. Sinon, je voulais juste, excuse-moi, ouais. Parce qu'en fait, on parlait de l'implosion bougnoulique à la vue de Trump, et je voulais parler un peu de Malek Chebel. Je pense qu'il n'y aura pas que nous, hein, qui sabrerons le champagne. Enfin, je n'irai pas jusqu'à sabrer le champagne, je suis pas mesquin, mais il n'y a pas beaucoup, on sera assez nombreux, je pense, à à être content de sa disparition, parce qu'il faut savoir que ce type-là était une véritable anguille. Moi, je l'ai vu intervenir sur RMC chez Brigitte Lahaie de nombreuses fois, à parler de branlette, pipi caca, sodomie, tout ça avec Brigitte Lahaie tranquillement. Peut-être qu'il avait sa main sur la cuisse aussi. C'est vrai que Brigitte Lahaie, c'est mieux que la chèvre avec laquelle il s'était dépucelé. Et ce mec-là était une anguille pas possible, hein. Il représentait l'islam des Lumières, donc l'islam qui visait à Ah. nous faire croire que l'islam un peu maçonnique, quoi, qui visait à Ah, nous la glisser en douceur, quoi. l'islam qui est pas l'islam en fait, c'est l'islam light, tu vois, c'est l'islam sans sucre quoi. Ouais, c'est l'islam sodomite, quoi. Ouais, l'islam sans sucre, light, ouais, t'es au régime, c'est un peu dur et tout, machin, bon, moi, vas-y, t'en fais pas, ouais, bien évidemment. Et alors, il y a un Sujet truc numéro, là, attends, je ne sais pas si vas-y, tu l'as ouais. lu, Gandalf. Excuse-moi, Gandalf, je ne sais pas si tu as lu dans les commentaires, mais il y a un de nos collègues qui vient de nous faire parvenir un message. Je ne sais pas, j'ai pas encore la confirmation de l'authenticité, tout ça. Apparemment, Trump aurait déclaré que ça, il n'a pas de temps à perdre et il ne va pas rencontrer un président qui sera plus en place dans 6 mois. Donc, ça aurait été sa déclaration sur François Hollande. En gros, François Hollande va te faire foutre, tu n'es rien, tu n'es qu'un cafard, retourne dans les égouts, laisse-moi tranquille, quoi. Ah bah alors Si là, c'est là, une là, tu... véritable Là... déclaration, c'est génial. Alors, il faudra vérifier, mais de toute façon, je veux dire, qu'il l'ait dit ou pas, je pense pas qu'il le dirait publiquement. Ça peut être une confidence en off, mais c'est une confidence d'un homme, d'un businessman comme Trump qui m'étonnerait pas du tout. C'est-à-dire, genre, attendez, mais pourquoi je voulais que je perde du temps avec un mec, en 6 mois, il est dehors, il fait 4%, attendez, on s'en fout, quoi, on passe à autre chose. Ça m'étonnerait pas. Après, est-ce qu'il l'a dit publiquement? C'est peut-être autre chose. Enfin, avant de faire notre pause musicale, je vous propose de passer au sujet numéro 4 de cette même rubrique sur les médias. Alors, moi, ça m'a stupéfié. France Inter, je cite l'enculé, le fils de pute de Pablo qui a dit ça. Et là, je le cite. Trump, c'est le candidat qui redonne aux Américains l'espoir qu'ils souhaitent assassiné avant son investiture. Le truc en live le matin sur la radio gouvernementale française, France Inter. Tout se passe bien, tu vois. Et alors, juste par comparaison, imaginez en 2008, Obama est élu, et tout d'un coup, tu vois, sur minute, les mecs disent, ah, ça serait quand même cool qu'on abatte Obama avant son investiture. Qu'est-ce qui serait passé d'après vous? Qui veut réagir? Argyle. Oui, bah comme tu dis, imaginons, faut se souvenir, il y a 8 ans, de l'Obamania. Nos médias, particulièrement les médias français, mais l'excitation, c'est d'orgasme, de jouissance qu'ils ont eu pendant, jusqu'à son investiture, enfin même pendant tout son mandat, mais là, à son élection, mais c'était la jouissance. Un noir, parce qu'il n'y avait rien de politique, c'était un noir arrivé à la Maison Blanche. Et là, c'était c'était l'aboutissement, c'était énorme. Et là, ils étaient mais hystériques, les journalistes. Et imaginons qu'il y ait allez, un chroniqueur de droite, aux grosses têtes, ou je ne sais pas, qui aurait dit, ah bah ce serait bien qu'il se fasse que Obama se fasse descendre avant son investiture. Non, mais le mec, il aurait été mais lynché déjà médiatiquement, politiquement, socialement et judiciairement. C'est évident. Ouais. Donc là, le mec de France Inter, là, tranquille, il fait barrer. Bon, attention, France Inter, c'est un sacré nid. Je vous invite à regarder. La plupart des gens qui sont employés par France Inter, on a plus l'impression d'avoir la liste d'un régiment de Tsahal plutôt que le personnel d'une radio française. Mais c'est impressionnant, le mec se permet ça, tranquille, sans problème, sans qu'il y ait de poursuite. Alors, bon, je n'ai pas entendu parler qu'il y aurait des poursuites ou quoi que ce soit, mais c'est infâme, quoi. Voilà, appelé au meurtre, tranquillement, sans problème, parce que c'est Trump. Et ça aurait été Obama, mais là, ça aurait été la folie, on aurait dit, putain, mais c'est un nazi qui appelle au meurtre. Frédéric. Ouais, alors Pablo Mira, il faut quand même souligner que c'est le mec du Gorafi, hein, à la base. Donc enfin, ce site de fausses informations prétendument très rigolards, etc., Satirique, ouais. où on fait des faux articles un peu trollesques, etc., et qui se veut effectivement très décontracté, tout ça. Mais comme on peut le constater à chaque fois avec ces putains de gauchias, qui sont des putains de communistes mentaux, hein, qui veulent des goulags, etc. Dès qu'il y a un blanc qui, donc dans le cadre de Donald Trump, qui arrive au pouvoir, qui va ouvrir sa gueule et faire quoi que ce soit pour défendre les Européens, les Américains en premier lieu, mais les Européens au sens plus large, Là, ça rigole plus du tout, et le mec, grosso modo, appelle au meurtre. Hein. Donc les gauchias, finalement, c'est toujours ça. C'est-à-dire, on fait semblant de rigoler, hein, on fait des blagues, et puis dès que ça devient sérieux, là, c'est goulag, quoi. C'est fini. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Derek. Ouais, non, mais l'appel au meurtre, là, qui a été fait par Monisha Rajesh, qui est une contributrice au Guardian, hein, un journal anglais de gauche. C'était carrément, voilà, il faut, ça serait bien, tiens, ça serait bien qu'il y ait eu un assassinat présidentiel. Non, c'est pas que ça serait bien, c'est qu'elle a dit, c'est le moment qu'il y ait un assassinat. Voilà, c'est le moment, effectivement. C'est marrant parce qu'ils ont toujours peur des brigades de la mort, d'extrême droite, qui vont arriver exécuter gens, tu vois. Et là, dès qu'ils se sentent un petit peu en difficulté, oulala, il faut l'assassiner. Mais c'est pas ça. Enfin, là, on parle comme si c'était que le code normal. Cette saloperie, c'est une putain de pakistanaise. Donc, qu'elle soit de gauche, de droite, voilà, c'est une métèque qui fait le... Qui a la haine du blanc, de l'européen, de l'américain, c'est le tiers monde qui parle, quoi. Voilà, c'est le tiers monde qui parle, c'est l'islam politique, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, l'islam racial. L'islam racial, c'est-à-dire l'islam sans le voile, l'islam par l'ADN, quoi. Ouais, voilà, exactement. Astérix. Moi, ces déclarations de mort, ça me fait penser à une chose. Frédéric, notre relais américain, me dira si je me trompe, mais je crois pas qu'aucune personnalité publique américaine s'autoriserait ça, parce que je crois que Trump s'est entouré d'une armée d'avocats extrêmement performants qui travaillent chaque dossier et qui ne laisserait pas passer des choses qui sont clairement des appels au meurtre et tout ça. Je t'arrête tout de suite. Il y a quelques personnalités publiques, je ne saurais pas te citer les noms immédiatement, mais il y en a quelques-uns, des journalistes notamment, pareil, des sortes de métèques sortis de je ne sais où, qui ont appelé plus ou moins clairement à l'assassinat de Trump. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ce sont des choses qui sont prises quand même un petit peu au sérieux. Hein, donc, par exemple, si on appelle à l'assassinat d'une figure politique aux États-Unis, immédiatement, le FBI, notamment du président, hein, immédiatement le FBI ouvre une enquête et on remonte jusqu'à la personne et ça peut amener à des choses très très graves. Bon, et les personnes en question, je sais notamment dans le cas d'une journaliste qui a fait donc un appel au meurtre de Trump. Dans les 24 heures, son compte Twitter a disparu. Elle a disparu. Bah c'est la meuf du Guardian, mais c'était aux États-Unis. Je ne pense pas que. Non, il y en a d'autres aux États-Unis qui ont fait la même chose. Ouais. Voilà, mais c'est un peu de ça dont je voulais parler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le droit se porte mieux malgré que ce soit la même communauté qui soit très concentré dans le droit aux États-Unis et qui se trouve très concentré dans le droit en France, mais j'ai l'impression que le droit est exercé de manière plus juste aux États-Unis parce que nous, ça devient vraiment ahurissant. Enfin, on se rappelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de gangbang sur une gamine et te prendre 3 mois de prison avec sursis, quoi. Oui, là. Alors, Pourovitch, tu voulais réagir. Ouais, mais je suis pas étonné. C'est les éternels gauchistes, hein. C'est le deux poids de mesure systématique. C'est dans tous les domaines. Faut comprendre que ces gens-là sont de véritables ayatollahs, des extrémistes. Si vous êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. C'est le con du bien, nous, c'est le mal. Je veux dire, c'est le pays de Candy. Il y a les méchants et les gentils. Et donc, c'est vrai que quand les méchants commencent à gagner, bah, ça rigole plus. Et on appelle au meurtre. Et bien voilà, ils montrent leur vraie nature. C'est normal, hein. Philosophiquement, ce sont des gens qui sont apparentés aux communistes. On sait très bien ce que ça a donné, 100 millions de morts. Donc voilà, ils montrent leur vraie nature. Captain America. Ouais, effectivement, Poporo, t'as raison. Ces gens sont véritablement des communistes et des tortionnaires et des dictateurs communistes en herbe, hein, parce que sous le régime, hein, il y avait donc la Pravda, il y avait donc le journalisme d'État. Quand on allait contre le parti, ben, on était envoyé au goulag. Notamment le cas, par exemple, du professeur Lysenko, en fait, qui lui disait que la génétique telle que le concevait ceux qui l'ont inventé, comme Mendelssohn, si je dis pas de bêtises, était capitaliste et donc c'était de la merde et que si on soutenait en Russie ben, ce genre de théorie génétique, on finissait au goulag. En fait, on est confronté à ça, sauf qu'effectivement, de nos jours, le goulag, il n'est pas physique, il est mental. C'est-à-dire que, enfin, il y a la justice, hein, qui va nous taper dessus, mais c'est surtout mental, quoi. C'est-à-dire que ces gens vont balancer des anathèmes. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, quand ils disent c'est vous le mal, vous êtes raciste. Ils font du branding, c'est ce qu'on appelle, c'est le processus en anglais. Ils nous décrivent avec leurs termes à eux, et c'est comme ça qu'ils nous enculent. Donc c'est pour ça que c'est super important de nous d'avoir une réaction positive et surtout de jouer en fait avec leurs émotions, avec leurs réactions, et de s'en délecter, mais surtout de les utiliser politiquement, quoi. De prouver aux gens que sont véritablement eux qui sont des psychopathes et des gens remplis de haine, quoi. Vas-y, Paul. Ok. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est clairement, il faut voir qu'aussi l'opportunité qu'on a. La victoire de Trump, c'est le début de la défaite justement de ce goulag mental. C'est les mots comme raciste, xénophobe, misogyne, etc., qui n'ont plus le même pouvoir qu'avant. Il faut y aller, vraiment. Allez-y, trollez-les, c'est le moment. Vas-y, Derek. Ouais, juste ces gens, ces bien-pensants de gauche qui sont choqués dès que un d'entre nous voilà, affirme qu'il faut expulser les métèques en tout genre de notre pays, bon, sans pour autant les tuer ou quoi que ce soit, mais juste voilà, qu'on les foute ailleurs, quoi, hein. Ça les choque qu'on puisse dire ça et qu'on ne soit pas en prison. Par contre, ils se gênent pas du tout. Ils te font des appels au meurtre, la main dans le slip, quoi. C'est tranquille. Et puis, ça les fait pas rougir, quoi. Au niveau intellectuel, probité, tout ce que tu veux, c'est déplorable. Bah, il y a des gens, tu vois, ils disent qu'il n'y a pas de Celtes noirs, et puis. Ouais, bah, non, mais ils ont des peines de prison supérieures à ce que peuvent avoir certains violeurs, effectivement. Voilà, mais peut-être que maintenant ça va changer. Peut-être que maintenant les gauchistes vont prendre des coups de bâton dans la gueule. On va savoir. Bon, maintenant c'est le moment de la pause musicale, chers amis. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission et qui va être aussi riche que la première. Our nation's capital was once a beautiful city, proud and fair, proud and fair. Now it's 99% niggers, half a slum, and they had this nigger mayor. Well, his name was Marion Barry, but he had to be sacked. Cause they called him on videotape, the mayor of D.C. smoking crack. Smoking crack. Oh, you can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. Jungle bunny. You can put a monkey in a monkey suit, call him the mayor, it'll just be funny. Cause you can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. Jungle bunny. Just look at O.J. Simpson, a millionaire, leading a life of luxury. We held everything civilized man could want, still succumb to savagery. Savagery. Just like a bloodthirsty Zulu in Africa, he slit their throats. Ah! All the niggers in America loved it, cause he got away with the murdering white folks. Murdering the white folks. You can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. The jungle bunny. You can put a monkey in a monkey suit, call him mayor, just be funny. Ha! Funny. Cause you can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. The jungle bunny. Just look at Mike Tyson, a dominant silverback gorilla. One to fear. One to fear. Hell, he even bit off another nigger boxer's ear. What do you gotta do to get kicked out of boxing? Give him millions and he still rapes Miss Nigger America. Oh, I'm sorry, Ms. Black America. And goes to jail. They'll always revert to their savage jungle ways without fail. Without fail. You can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. Yeah, jungle bunny. You can put a monkey in a monkey suit, call him mayor, just be funny. Or he can represent Chris Renegar. But you can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. Oh, the jungle bunny. Cause you can take the bunny out of the jungle, but you can't take the jungle out of the jungle bunny. Jungle bunny. Deuxième partie de notre émission Démocratie participative, saison numéro 1, épisode numéro 21. Pour ce moment historique, hein, la victoire, j'allais dire la victoire, je pensais à quelqu'un d'autre, mais la victoire de Donald Trump, contre toute attente, contre la coalition mondiale de la finance internationale et des forces cosmopolites. Alors, je m'en vais immédiatement embrayer avec la rubrique numéro 3, les réactions officielles, certaines en tout cas. Et tout de suite, celle de François Hollande. Alors François Hollande, c'est un client, bon évidemment président français, visiblement, par intérim, visiblement. Ouais. Hollande qui ne s'est pas privé d'être insultant, d'être vulgaire à l'égard de Donald Trump. Retenez bien d'ailleurs ce mot vulgaire parce que c'est celui qu'il a choisi pour lui-même le qualifier. Je cite notre candidat hors concours à la qualité de bouffon international, François Hollande. Alors, dans le texte, hein, dans son livre, où il se confie à des journalistes français, un président ne devrait pas dire ça, ses slogans diffèrent peu de ceux de l'extrême droite en Europe et en France. Peur de la déferlante migratoire, stigmatisation de l'islam, mise en cause de la démocratie représentative, dénonciation des élites, alors même que Donald Trump, par sa fortune, en est l'incarnation la plus évidente. Je cite toujours François Hollande, « La Trumpisation, c'est la simplification. L'attaque contre les élites, la caricature du système, une espèce de provocation permanente, ce que l'on croit être la gaffe qui va l'éliminer définitivement et en fait qui le renforce. Rien ne l'arrête. Il faut dire aux Français... Vous voyez, Trump, c'est exactement ce que l'extrême droite pourrait faire demain en France. Lui, donc Trump, ce qui l'anime, c'est la vulgarité. C'est un être, je trouve, dans tous les sens du terme, vulgaire. Comme pouvaient l'être des leaders populistes en Europe, qui sont fondés sur la vulgarité. Le Pen, les deux Le Pen, sont vulgaires. Le père encore davantage. Alors, je vous invite à commenter ces déclarations de notre ami François Hollande, qui d'ailleurs, là je précise aussi, c'est-à-dire qu'il a pris la parole tout de suite après l'annonce officielle de l'élection de Donald Trump, il a dit la chose suivante, hein, donc en conférence de presse, tout ce qui est plus officiel. Il y a des incertitudes. Il y a une situation qui vient de se produire aux États-Unis. La France est là, elle joue son rôle, pleinement son rôle, et elle assumera partout ses responsabilités. Alors c'est extraordinaire parce que quand un président est élu aux États-Unis, démocratiquement, c'est une situation. C'est une situation. Très intéressant. Qui veut prendre la parole ? Je pense que j'ai des candidats. Argyle, à toi. François Hollande, c'est le mec... qui a tout foiré. Enfin, il a été élu président de la République, en fait, par défaut, par rejet de Sarkozy, et il s'est planté sur tout. Donc, c'est évident que son analyse pré-campagne, post-campagne américaine, tout ça, est foireuse, évidemment, et en plus, il doit y avoir une certaine jalousie. Parce qu'il estime que Trump ne dit que des conneries. Alors, il doit être forcément jaloux, parce que lui, il doit se dire, moi aussi, je dis des conneries, je fais des conneries, mais le peuple ne soutient pas. Alors, ça doit l'emmerder un petit peu, peut-être. Mais voilà, François Hollande, il est grillé, il est carbonisé, il sera plus là dans 6 mois. Et il essaie de, voilà, de faire sa petite merde en essayant de dire « Regardez, regardez, hein, j'attaque Trump, hein, regardez, hein, je suis bien à gauche. » C'est pitoyable, c'est ridicule. Il se ridiculise à chaque fois sur tout, dans tous les domaines sur lesquels il prend la parole, où il a un avis, ce qu'il déclare aux journalistes en on, en off. Enfin voilà, c'est, comme tu disais, c'est le bouffon intégral. C'est le, je pense, peut-être pas le plus nocif, quoique, mais le président le plus ridicule qu'on ait jamais eu. Il est ridicule, il est lamentable. C'est un pauvre type, un pauvre mec qui foire tout ce qu'il entreprend. Donc voilà, c'était évident qu'après l'élection de Trump, c'était évident qu'il allait être dans un de ceux qui auraient la réaction la plus lamentable. Là, ce qu'il nous faudrait, en fait, maintenant, ça serait un Trump français. Enfin, je vais pas faire une campagne. Enfin, si on a quelques infographistes, on peut non, faire. Non, mais au lieu de faire une campagne pour un Chavez français, attends, pour un Trump français. Astérix, moi, j'aimerais que tu réagisses sur Hollande et oui, sur oui, ses bah propos. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que le fait qu'ils disent, tu vois, Trump est vulgaire, par exemple. Ah oui, mais non, mais j'allais réagir sur Hollande. C'est-à-dire qu'il faudrait, puisqu'il tient des déclarations pas possibles en faisant une comparaison entre Trump et le FN, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un Trump français pour montrer à ce glamour de François Hollande à quel point le FN est loin de porter le message de Trump. En tout cas, Hollande, il a raison, Marine Le Pen est vulgaire. C'est la vulgarité incarnée. Ah, et Marine Le Pen, j'ai pas compris, là. Bah, Hollande a déclaré que Trump était vulgaire et que les Le Pen, les deux Le Pen l'étaient aussi. Mais là, je peux être d'accord qu'avec lui, Marine Le Pen, c'est l'incarnation de la vulgarité, du comportement. Elle se comporte comme Dédé le routier plutôt que comme une femme, quoi. Elle est véritablement vulgaire. Là, je suis d'accord avec lui. Alors lui, il estime peut-être que ses idées politiques qu'il lui prête sont vulgaires, mais je veux dire, la personnalité de Marine Le Pen, c'est loin de ce qu'on peut attendre d'une femme. Alors, moi, je veux réagir là-dessus. Comment dire, François Hollande, déjà, il est très mal placé pour parler de vulgarité. Parce qu'en termes déjà de physique, il ressemble à rien, c'est un gros sac, c'est un gros porc, il engraisse plus vite que son ombre, c'est juste affreux. Ensuite, quand on regarde les poules dont il s'entoure, parce que ce monsieur n'est pas marié, n'a même pas une condition régulière, c'est un mec qui enchaîne les filles de joie à peine validées aux yeux du serial public. Lover. Oui, bien sûr. Ce type est très mal placé pour parler dans une espèce de la délicatesse des rapports entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, outre le physique, ces rapports avec les femmes, c'est un type qui est profondément, effectivement, vulgaire. Aucune profondeur, aucune subtilité intellectuelle qu'il puisse communiquer au public. Il aucune a quand même la hauteur classe, de vue. Parce que l'allure, il a la classe quand même. Mais il a rien, mais c'est ça qu'il a rien pour lui. C'est-à-dire que c'est un type qui est profondément précisément vulgaire. Donc quand on voit un type comme ça, et d'ailleurs c'est un mec, je suis désolé, c'est un mec, lui-même s'est appelé comme ça. Il s'est appelé « Je serai un président normal », donc je serai « normal premier ». Donc normal premier, donc un mec, en fait le beauf de base selon les critères de la gauche, tu vois, va donner des leçons de vulgarité à Donald Trump. Alors, on peut penser ce qu'on veut Donald Trump, on peut estimer que son bling-bling, etc. On s'en fout, je veux dire. Qui donne des leçons de vulgarité à qui, là? Calmons-nous, là. Calmos, comme dit le film. Hein, C'est-à-dire que Hollande a quand même moins de dignité et de prestance qu'un cochon, quoi. Donc, à partir de là, bon, c'est difficile. tu n'apprécies pas d'en envoyer sur Donald Trump, hein, c'est sûr que... Tu n'apprécies pas ses sorties en scooter pour aller voir Julie Gayet dans un appartement, hein? Ouais, probablement pas que Julie Gayet. Probablement pas que Julie Gayet, d'ailleurs. Hein. Et puis sa face... pleine de pustules dégueulasses, enfin franchement. Mais qui est ce mec? Mais qui est ce mec pour juger les autres? Déjà, il est gros, quoi, donc il est disqualifié. Non mais c'est incroyable. Le mec, il y a aucune. Imaginez quoi, les types n'ont aucune espèce de recul d'intelligence, quoi, d'État, quoi. On voit que les mecs ne sont pas des hommes d'État, parce que le mec ne se dit même pas, mais imaginons que le mec serait élu, et ça. Plutôt que d'attendre, de se dire, bon, attendez, moi j'ai envie de dire pique-pendre de X ou Y, mais même ça, tu vois, genre le mec de dire, oh, attendez, on ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis, je ne sais pas. Non. Le mec dégueule, balance les pires saletés sur un bonhomme qu'il ne connaît pas, de ce qu'il a eu dans la presse de gauche, évidemment, genre Le Monde, Libération. Le bonhomme est élu aux États-Unis, tu vois, et tout d'un coup, ah, j'ai, comme il dit, une situation. Ouais, j'ai une situation. En fait, j'ai dégaulé sur le chef de l'État de la première puissance mondiale. Alors là, j'ai une situation, je sais pas comment faire, quoi. Je suis brillant, je suis intelligent, j'ai un staff énorme. Le mec, on va quand même le mec échec et mat, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, je veux dire. Bah, c'est des mecs qui sont tellement convaincus d'avoir gagné, quoi, que leur camp a définitivement, pour l'éternité, gagné, qu'ils en ont plus rien à foutre. Et c'est d'ailleurs comme ça que Clinton s'est fait choper avec... Clinton, Podesta, Weiner et compagnie se font choper dans des affaires, mais... ubuesque, quoi. Le mec qui envoie des photos de sa bite à des mineurs, l'autre qui trempe dans des affaires pédo-sataniques, t'as envie de te dire, mais ces gars-là, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont intouchables. Et d'ailleurs, l'élection de Trump, ça prouve le contraire, quoi. C'est coucou, réveille les mecs, le peuple, il est plus content. Ouais. Sujet numéro 2. L'ambassadeur de France aux USA, Gérard Haro. On est toujours dans les réactions officielles, vous l'avez bien compris, et toujours au niveau du gouvernement français. Alors, pour les Français qui nous écoutent, je suis désolé, vous n'allez pas être malheureusement très fiers de votre pays, en tout cas de votre gouvernement. Alors, le monsieur, donc votre représentant aux États-Unis, a qualifié, parce qu'en fait, il faut le savoir, l'ambassadeur de France aux États-Unis a régulièrement attaqué depuis en fait plusieurs mois le candidat républicain. Il a traité tous les noms, quoi. En 2015, il a traité de vautour quand Donald Trump a dit, regardez, en France on n'a pas le port d'armes, la population ne peut pas se défendre, c'est un pays qui est un des plus répressifs contre le droit du port d'armes, etc. La population n'arrive pas à faire face à cette menace islamique. Première réaction de l'ambassadeur français aux États-Unis, ça a été de traiter Donald Trump de vautour. L'hystérie complète. Et encore au mois d'octobre, le même ambassadeur a clairement, enfin c'est tout à fait public, hein, il a amalgamé Donald Trump à 15 jours de l'élection, hein, il a amalgamé Donald Trump à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors du rôle d'un ambassadeur qui consiste simplement à transmettre les messages du gouvernement français vis-à-vis d'un autre gouvernement, de dire, voilà, notre gouvernement pense ceci ou cela de telle ou telle question, c'est carrément quelqu'un qui donne son opinion sur ce qui se passe aux États-Unis. Et le mec dit, bah voilà, Trump est un enfoiré, c'est un vautour, parce qu'il a dit ça, c'est un mec d'extrême droite parce qu'il a dit ça, c'est un mec qui commente la vie politique américaine. Et là, on se dit, il y a un effondrement incroyable du niveau. Et Gérard Haro, il faut voir son physique. Il a un physique de prof de physique chimie. Hein. Il est un prof de physique chimie. Alors, j'ai rien contre les profs de physique chimie. D'anglais. Non, mais je dirais même plus. Mais... ça se voit très clairement que le type est pédé jusqu'au bout des os. Quoi, hein. Il y a quelque chose. Là, pour être aussi... les yeux, le visage, la posture, il y a vraiment un truc, quoi. Donc le type... un petit électrochoc peut-être pour le oui non mais voilà, là je suis pour la le comment dire, pour le soigner à la méthode de Mike Pence, hein. Effectivement, ça colle avec ce que tu as dit par rapport à l'hystérie qui est une caractéristique typiquement féminine. Donc, ouais, voilà. Mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Ce type est une grosse pédale. Voilà. Et qui se comporte, c'est-à-dire c'est un ambassadeur qui se comporte en fait comme le dernier des militants de la permanence Parti Socialiste. Voilà, qui va faire le niveau de professionnalisme est proche du négatif en fait. Non, mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire. Il n'y a plus aucun niveau, c'est-à-dire que tu vois Hollande, tu vois, lui-même se comporte. Je voyais le jour, on voyait dans une déclaration qu'Hollande faisait, dans un discours tout à fait formel, et c'était un truc qui remonte, hein, c'est en 2015, hein. C'est un discours et tout, à la télévision, avec des journalistes qui lui posent des questions, il dit « Oui, mais la gauche... » Mais putain, mais t'es président de la République, t'es pas président de la gauche, t'es président de toute la population française, de la nation française, t'es pas là pour représenter la gauche. C'est pas un terme qui doit revenir dans la bouche d'un président français. Il incarne tout le monde. Le mec était là, oui, mais la gauche, machin. Attends, ou même d'un président de droite. Je veux dire, t'es là pour incarner, tu vois, les missions régaliennes qui te sont imposées par ta fonction. T'es pas du tout là pour jouer le chef de gang, quoi, tu vois. Le type était à l'ouest et personne ne l'a relevé. Ça m'a frappé. Ils ont une dignité, de toute façon. Ça va avec. Et maintenant, ça en vient. Où tu as des diplomates qui sont simplement les copains de bande, ils sont stipendiés, les copains de bande qui officient tant aux États-Unis qu'en France, et les bonhommes, quand le processus électoral se passe, les types sont pas du tout des gens dans leur rôle de représenter un gouvernement et un pays, ils sont dans le militantisme. Et je veux dire, pour les États-Unis, pour les 300 millions d'Américains qui ont dû regarder ça, peu importe d'ailleurs leur appartenance, leur... Enfin, je sais pas, les mecs se disent, putain, c'est hallucinant, on a des diplomates, comment dire, qui s'ingèrent dans le processus électoral et qui dégueulent sur notre président, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux dire. C'est incroyable, moi j'étais sur le cul, j'y ai pas cru, mais c'était vrai. Non, mais il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, parce que ces gens-là sont au fil des administrations, ils sont promus. C'est-à-dire que quand la gauche est là, les mecs ils sont promus. Quand la droite est là, ils restent à leur place. Mais quand ils reviennent, voilà, ils sont repromus encore une fois. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a marqué par rapport à l'élection, encore une fois, de Trump. C'est que le type va arriver avec son administration. C'est-à-dire que là, pendant les 2 mois qui viennent, il y a 3000 hauts fonctionnaires qui vont occuper, ouais, qui vont être nommés pour faire tourner le pays, quoi. Et ça, en France, ça n'existe pas. Hein. En France, là, François Hollande, il se barre dans 6 mois. Ça fait déjà au moins 6 mois, voire 1 an, que tous ses collaborateurs, ses conseillers principaux ont été nommés à des postes prestigieux dans l'administration. Bien entendu, hein, l'administration étant ce qu'elle est en France, voilà, le fonctionnariat, machin. On n'est pas prêt de s'en dépêtrer. Voilà, c'est les réceptions de l'ambassadeur depuis qu'il n'y a plus de Ferrero Rocher, c'est de la merde, quoi. Voilà, c'est ça. Astérix, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Moi, ça m'amenait à... J'avais envie de parler du nettoyage diplomatique qu'il va falloir mettre en place le jour où on récupérera les rênes de notre destin, parce que là, pour la France... C'est un vrai drame, parce que la France, c'est pas une fausse idée de dire que la France ne pèse que par sa diplomatie. La France en tant que telle, c'est 60 millions d'âmes, c'est un petit pays, c'est rien, mais on a effectivement, je pourrais pas ici expliquer toutes les raisons, parce que je les connais pas moi-même, il y a peut-être une part de mystère là-dedans, mais en tout cas, la France a un destin diplomatique. On est réellement... d'une subtilité, moi je m'en suis rendu compte même avec le français moyen à l'étranger, c'est-à-dire que le français moyen à l'étranger a une facilité d'intégration, une facilité de comprendre l'autre, de comprendre le fonctionnement de l'autre, qui est au-dessus de la moyenne. On est bien, bien, bien supérieur à celle des Allemands. Les Allemands sont des gros lourds quand ils vont en vacances, quand ils vont à l'étranger, en tant qu'expat, les Allemands sont des putains de lourdingues. Les Anglais, pas des lourdingues, mais les Anglais, ils arrivent, ils créent leur microcosme, quoi. Ils arrivent, ils importent leur bacon, ils importent... Les Français ont un vrai... Les Français, ils exportent leur bougnoule, quand même. Hein. Et là, d'avoir des diplomates aussi minables, quoi, autant aux ordres de la gauchiasserie française qui est vraiment qui comprend rien aux réalités du monde qui est absolument en dehors de la réalité politique. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire que Gérard Haro a aussi dit. Alors, faut savoir un truc, c'est-à-dire que c'est des tweets, mais ça a été plus loin, c'est-à-dire qu'il a téléphoné à Fox News, qui est la seule chaîne qui soutenait Trump, parce que tous les autres ne le soutenaient pas, et encore tardivement. A téléphoné à Fox News, c'est pas une chaîne de gauche, c'est-à-dire pas à CNN ou machin. Il a téléphoné à Fox News pour dire la chose suivante: l'élection de Trump, c'est l'effondrement d'un monde. C'est hallucinant, c'est-à-dire que le mec appelle Fox News, la chaîne qu'on a, pour dire c'est l'effondrement d'un monde. Avant, ensuite, il a copié sur son Twitter cette déclaration avant de l'effacer, quoi. C'est du jamais vu. Bah, c'est du jamais vu. C'est du sadomaso. C'est aberrant. Quoi. Surtout par rapport à notre tradition diplomatique. Je reviens là-dessus, c'est juste hallucinant. En l'espace de 30 ans, il y a eu un remplacement total de nos élites, quoi, et de nos élites diplomatiques. Là, c'est manifeste. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours eu un certain anti-américanisme, pas toujours justifié d'ailleurs. Mais là, mais diplomatiquement, ça n'était pas. Enfin, c'était quand même plus sérieux, quoi. C'est-à-dire, on était anti-américain dans une sorte de culture populaire, il y avait un certain chauvinisme, etc. Mais au niveau de la diplomatie, on n'était pas des abrutis, quoi. On n'était pas des Mongoliens. Alors que là, vraiment, on sent que la débilité, la beaufrie hein, anti-américaine est passée au plus haut niveau de l'État, quoi. Ben, je crois pas que ce soit de la beaufrie anti-américaine. Au contraire, à mon avis, cet ambassadeur-là, il devait être très pro-américain dans le sens affirmative action, droit des PD et compagnie. Oh, mais c'est ce ça qu'il y a, c'est que il faut comprendre le truc. C'est-à-dire que dans pro-américain, il faut s'entendre. Comme t'as la France ou l'Europe charnelle, tu vois, t'as l'Amérique charnelle, tu vois. Ah oui, ensuite, non, d'accord. Et puis ensuite, t'as l'Amérique est une idée, tu vois. Et t'as la France est une idée, tu vois. Et quand t'es un socialiste ou un communiste, bah oui, effectivement, l'Amérique ou la France est une idée, tu vois. En fait, et puis c'est ton idée à toi, bien comprise, tu vois. Et puis quand ça va plus, quand c'est plus ton idée... Ah bah là, il y a des spasmes, hein, y a des convulsions. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Sauf que ce n'est pas la fonction d'un diplomate. La fonction d'un diplomate n'est pas de dire ce qu'il pense. Un diplomate est juste là pour dire « Voilà ce que pense le gouvernement qui m'a mandaté. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. » Et c'est incroyable de voir qu'un diplomate, aujourd'hui en France... Parce que ça a des conséquences politiques. Attention, ça va nuire à la France en tant que pays. Qu'un diplomate donne ses états d'âme, fasse état de ses opinions. Il n'est pas là pour ça, tu vois. Il est juste là pour dire, voilà, mon gouvernement m'a chargé de vous dire que... Le mec te dit, voilà, moi je pense que si, moi je pense que ça, je pense que cette élection, machin, etc. Mais attends, mec, t'es pas sur Twitter, toi, à titre personnel, tu vois. Et c'est incroyable, mais c'est ce qui se passe. Et bah, évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement? Bah, le gouvernement américain va se dire, mais attendez, vous avez vu les Français ce qu'ils nous ont fait? À quel point ils nous ont manqué de respect? À quel point ils nous ont insultés en direct, sur Internet? Les types ont perdu toute notion de convention entre États, quoi, entre pays, quoi. Les mecs sont fous. Comment voulez-vous qu'un gouvernement comme le gouvernement américain, mais même sans Trump, je veux dire, comment voulez-vous que le gouvernement américain respecte la France derrière ça? Avec des comportements de cette nature. C'est incroyable. La France ne tolérerait jamais qu'un État étranger fasse la même chose, vous voyez. C'est-à-dire, imaginez le gouvernement allemand, je sais pas, je raconte n'importe quoi, Sarkozy est élu, et puis d'un coup, il se permet de dire « Mais c'est incroyable, un monde s'effondre ». Enfin, je sais pas quoi, les Français, l'opinion publique, le gouvernement français serait choqué en disant « Mais attendez, mais cette personne sort complètement de son rôle, il n'est pas là pour ça, quoi. » Et c'est ce qui se passe, quoi. Et on voit bien que la France est en train de s'effondrer à tous les niveaux, quoi. Enfin, c'est... Au niveau des élites, c'est incroyable, quoi. Le niveau est extrêmement faible, quoi. On est au niveau du militant socialiste de section à Montreuil, tu vois, qui tweet, quoi. C'est ça le truc, tu vois, on en est là, tu vois, c'est incroyable. Et ça fait un certain nombre d'années de gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de gauche ou de droite, où le rôle d'ambassadeur, en fait, c'est un peu une récompense qui est donnée à des types qu'il faut replacer, à des types à qui on doit un service. Donc, il y a plus aussi cette question de nommer ambassadeur des gens qui sont compétents dans le domaine de la diplomatie, mais plus de récompenser des copains. Et donc, c'est pour ça que, comme tu dis, on a des militants du Parti Socialiste qui déboulent comme ça dans des ambassades et puis qui se comportent comme tels, avec évidemment l'assentiment du gouvernement français. Mais c'est évident qu'on passe pour des guignols, la France passe pour des crétins absolus avec des ambassadeurs de ce type qui sortent complètement de leur rôle de représentant de la France et du gouvernement. On peut mettre en parallèle aussi, il y a eu une crise avec le Vatican parce que pendant des mois, Hollande voulait imposer un ambassadeur PD au Vatican. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, alors je ne sais plus comment ça s'est résolu, s'il a été finalement nommé ou pas, je ne crois pas, mais c'est quand même assez incroyable qu'on en arrive à avoir des représentants qui nous font honte un peu partout. Donc en fait, c'est les représentants de François Hollande, c'est les représentants du bouffon François Hollande, et il met des petits socialistes par-ci par-là, mais il me semble que Sarkozy avait fait également la même chose. Je crois que vraiment, au niveau des élites, de la haute administration, des hommes politiques, tout ça, on est vraiment les plus mal gouvernés, on est les plus nuls, et aussi probablement, et je crois qu'il y a un rapport, ceux qui haïssent le plus le peuple qu'ils gouvernent. Et je crois que ça explique bien des choses. Je suis d'accord, il ne faudrait pas oublier nos amis belges, qui, je ne sais pas qui est en place actuellement, mais il y a 4 ans de ça, je pense que notre camarade Fulbert n'aurait rien à redire contre ça. Il y a 4 ans, il se trimballait un espèce de tocard à notre pape, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lui, il a disparu de la circulation, il me semble. Ensuite, Di Rupio, ouais, voilà. Mais ensuite, ils n'ont plus rien eu. Là, je ne sais pas à quel point ils en sont, mais en gros, les Gaulois, quoi. C'est-à-dire les Belges plus la France, on est les plus mal gouvernés. Il y a un truc qui est en train de se passer contre les Gaulois, gravissime. Bien que génétiquement, je crois que les Belges soient un peu germains, mais bon, bref, passons. Alors, comment dire la France n'est pas la seule à s'être illustrée suite à cette élection surprise de Donald Trump. On a eu aussi l'Allemagne. Il faut dire que Donald Trump a fait campagne contre Merkel, la traitant d'imbécile, d'incompétente, d'ayant livré l'Allemagne à la destruction totale. Enfin, en fait, Donald Trump a juste dit la vérité. Mais il faut écouter ses propos, hein, je veux dire, il faut suivre ses discours. Il a vraiment dit Merkel est une... est folle, quoi. Elle a détruit l'Allemagne, elle a détruit l'Europe, quoi. C'était ses propos qui étaient des propos, mais absolument vrais, des propos que nous-mêmes avons tenus, quoi, et que lui-même a tenus, mais qui des propos de vérité. Et évidemment, l'élection de Donald Trump pour l'Allemagne, qui est un pays encore occupé par l'armée américaine, c'est même pas un fiasco, c'est-à-dire c'est pratiquement une crise existentielle, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est la fin d'un monde, quoi. Ils ont eu Obama, le métis qui va bavarder sous des vides de 10 cm d'épaisseur sur la porte de Brandebourg. Ça, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que maintenant, là, le mâle blanc est de retour, et les Schleux, qui se sont reconvertis dans la social-démocratie écolo pro-musulmane après être passés par le national-socialisme ne savent plus à quel sens se vouer, quoi, hein, en gros. Et la grosse Merkel, elle n'est pas restée sur la réserve. Non, elle s'est empressée en fait d'attaquer Donald Trump, en fait, de lui qu'il n'est pas élu, c'est déjà pas bien, quoi. Donc elle a dit qu'elle a félicité, bon voilà, terme d'usage, Donald Trump. Mais elle a dit la chose suivante. Celui qui dirige ce grand pays, donc les États-Unis, compte tenu de sa puissance économique considérable, de son potentiel militaire et de son rayonnement particulier, a une responsabilité vis-à-vis du monde. Elle a appelé Donald Trump à respecter les valeurs communes entre l'Allemagne et les États-Unis, accrochez-vous, la démocratie, la liberté, le respect du droit et la dignité humaine, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou les opinions politiques. Donc en gros, un plaidoyer marxiste contre Donald Trump en disant hey, « Eh Coco, faut pas te tromper de, comment dirais-je, de crèmerie ». Mais plus que ça, parce que ça va beaucoup plus loin, la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, parce qu'il n'y a plus que des bonnes femmes qui gouvernent là-dedans, s'est amusée à attaquer Donald Trump bille en tête. Voici ce qu'elle déclare. On ne peut pas dire que le passé n'a pas d'importance, donc le passé, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, que les valeurs que nous partageons, donc l'Allemagne et les États-Unis, ne comptent pas tout en cherchant à en tirer le maximum d'argent et en se demandant quelles bonnes affaires on pourrait réaliser. C'est-à-dire que Donald Trump a demandé aux contributeurs de l'OTAN de respecter les normes, c'est-à-dire 2% du PIB de dépenses militaires, pour assurer la défense de l'Alliance. Elle a dit, en gros, c'est inacceptable de demander aux États membres d'en faire plus, parce que l'Allemagne ne contribue qu'à hauteur d'1,2%. Mais elle est allée plus loin. Elle est allée sur le domaine aussi, comme Merkel, de l'idéologie. Et là, je la cite encore à propos de Vladimir Poutine. Donald Trump doit dire clairement dans quel camp il est. On parle de la ministre de la Défense allemande, hein, qui parle au président des États-Unis. Donald Trump doit dire dans quel camp il est. S'il est du côté de la loi, de la paix, de la démocratie, ou s'il se fiche de tout ça et cherche plutôt un bon copain, c'est-à-dire Vladimir Poutine. C'est incroyable, mais on a une ministre de la Défense allemande et une chancelière qui sont en train de menacer le président des États-Unis. Enfin, moi, je n'en reviens pas. Qui veut parler de ça? Qui veut revenir là-dessus? Écoute, moi, je mets un peu à la place des pays baltes et je me dis que, bon, ben, ça risque d'être un petit peu chaud, effectivement. Mais par contre, concernant les ministres, enfin les ministresses, je sais même pas comment on peut appeler ces bonnes femmes, qui sont à la tête de la défense des pays d'Europe du Nord, enfin d'Europe du Nord occidentale, ce sont toutes des gonzesses. Je veux dire, Suède, Danemark, Allemagne, je sais pas pourquoi, ils sont mis en tête de passer des gonzesses. Et effectivement, elles étaient déjà très très belliqueuses envers Poutine. Je sais pas si c'est un truc de femme ou pas, mais elles n'ont peur de rien. C'est-à-dire que l'armée allemande est dans un état absolument lamentable. Il y a quand même des officiers américains qui ont dit aux officiers allemands qu'il va falloir réapprendre à tuer dans la guerre d'Afghanistan, parce que les Allemands n'étaient pas assez offensifs, agressifs, selon les termes de la guerre moderne. Et t'as cette vieille greluche qui va donner des leçons de guerre à Trump. C'est pas mal. Ouais, non, mais là, il faut regarder les photos, parce qu'il faut regarder un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a Maman Merkel avec son ignoble face de grosse morue qui a fait envahir l'Europe de métèques musulmans qui violent à tire-larigot. On a son numéro 2 qui est une vieille rombière permanentée, tu vois, qui préside à une armée d'armistice, qui est en train d'expliquer à la première puissance militaire mondiale, voilà, il va falloir faire ci, ça, ce, parce que la démocratie, l'antiracisme le commande. Non mais attendez, il va falloir se calmer 5 minutes là, il va falloir rappeler un certain nombre de personnes à leurs responsabilités. Donc là, la Ursula machin, moi je pense que Trump, c'est un avis personnel, mais je pense que Trump devrait l'inviter à aller s'intéresser à des trucs qui l'intéressent beaucoup plus, oui, comme, je sais pas, la cuisine, par exemple. Voilà, la cuisine, enfin les tartes au yaourt, etc. Voilà, ça sera beaucoup plus son truc. De foutre un petit peu des bonhommes dans la boutique et de dire, voilà, maintenant, les ordres, c'est ça, Le boulot de l'armée, en gros, c'est de tuer des gens. Hein. C'est pas de faire non plus du, comment dirais-je, de l'assistanat social. Et puis la grosse Merkel en 2017, elle est bien gentille, mais elle finit en tôle hein, pour avoir trahi le peuple allemand et accessoirement d'avoir fait envahir l'Europe. Et ensuite, on mettra derrière, bon, alors évidemment, pas un chancelier qui sera à la hauteur, parce que bon, malheureusement, il s'est passé des choses depuis, mais enfin, au moins un type. Qui a du charisme et puis qui saura gérer les affaires courantes quoi. Parce que là, on n'en peut plus, c'est affreux, quoi. Affreux, affreux. Donc elle menace Trump et Poutine en même temps avec. Oui. Alors qu'elle est ministre d'un pays qui n'a pas d'armée, une armée d'armée 6 comme tu l'as rappelé. C'est risible, hein. C'est vraiment risible. Hein. Et là, c'est l'hystérie irrationnelle parce que. T'as quand même les USA, l'Angleterre et la Russie, ça commence à faire un axe. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ces pays-là quand même. Hein. Et puis, on disait quand même aux gens, vous voulez quitter l'Union Européenne, mais vous allez vous retrouver isolés. Mais là, ça va être le contraire du coup. C'est les gens qui vont rester dans l'Union Européenne vont être isolés. Non, mais on a affaire à des gens qui on sent bien, si autant pour les femmes sont hystériques, les gauchistes sont hystériques, en Europe, tout l'establishment est hystérique, mais en même temps, ils ont rien, parce que précisément, c'est juste un ramassis de gauchistes, de socialistes, de femmes, de métèques, ils n'ont rien, ils n'ont pas de cartouches, quoi. Ouais, mais c'est ça. La situation actuelle était, dans ce que tu dis, c'est apocalyptique, quoi. Ça révèle que l'Europe est nue, on est à poil, quoi. C'est-à-dire qu'on a des ministres PD en France qui sont carrément hystériques, on a des ministres allemands qui sont pareils, qui n'ont pas d'armée, qui veulent faire la guerre aux États-Unis et à la Russie. C'est voilà, on se rend compte de la réalité. Ce sera d'autant plus facile de balayer tous ces gens-là. Ce sont des médiocres, des ratés, des losers. Ils seront plus faciles à balayer. Ce sera d'autant plus facile qu'ils n'auront plus le soutien qu'ils ont pu avoir de la part de la puissance américaine. Effectivement, et ça risque d'être assez rigolo dans les mois à venir. Bon, personnellement, sur les femmes hystériques, eh ben, évidemment, c'est très bien la proportion des hormones et la domination totale de l'émotion sur la raison dans le sexe féminin. Bon, rajouter ça à la ménopause, les bouffées de chaleur, autant dire qu'elles sont. C'est comme s'ils avaient leur période pendant toute l'année. Bon, voilà. Plus généralement, sur les gauchistes, moi, je crois qu'on est un peu à un fin de cycle. Hein. C'est-à-dire que Confucius, le grand sage chinois, disait très justement qu'un mal prospère toujours sur un bien, jusqu'au jour où il finit par détruire ce même bien et qu'il se suicide lui-même. Je crois qu'on y est. Je crois que c'est ce jour où ces enculés ont fini par trahir complètement la classe populaire, sur laquelle finalement le peu de légitimité qu'ils avaient reposait, cette idée de justice sociale qui n'était pas complètement fausse. Et ce jour-là, bah, finalement, ils se sont fait harakiri. Et là, les fruits sont mûrs. On voit le résultat. Qu'est-ce qu'il leur reste? Les PD, les Bougnoul, les Metec. Bref, rien, quoi. Et là, bah, ça sent la fin. Ouais, les fruits sont mûrs. La cueillette approche. Ah, la cueillette approche. À n'en pas douter. J'ai envie de revenir avec vous, les gars, sur cette campagne qui a été une campagne épique, fabuleuse. Moi, j'ai été en admiration devant cet homme que j'ai appris à connaître et sur un style et puis sur des propositions aussi, évidemment. En premier lieu, la déclaration de candidature. Pas besoin de rester très longtemps, mais moi, je l'ai ressenti comme un véritable événement. Je sais pas si. Vous vous rappelez, c'est-à-dire que quand il a déclaré sa candidature, beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. Moi, quand il a déclaré, moi j'ai tout de suite adhéré parce que je l'avais observé un petit peu de loin. Et tout le monde a pris ce mec pour un imbécile, un bouffon, un rigolo. C'était il y a un an et demi. Pas besoin de rester très longtemps là-dessus, mais est-ce que quelqu'un veut en parler de ça? Bah, c'est-à-dire qu'il a beaucoup surpris parce que personne n'attendait quelqu'un qui a fait donc c'est un mec qui a fait de la télé-réalité Donc effectivement, beaucoup de gens le prenaient pour un bouffon, etc. Mais moi, je me rappelle aussi qu'on sentait déjà à ce moment-là la peur de l'establishment. Alors, c'est-à-dire qu'il rigolait, mais il rigolait jaune, parce que c'était quand même quelqu'un, c'est je crois Richard Spencer qui en a parlé, c'est quelqu'un qui était chez les Américains, c'est-à-dire à la télé, à des heures de grande écoute, qui était avec eux. Donc il suivait, donc il y avait The Apprentice, il a eu d'autres interventions télévisuelles diverses et variées, enfin il est quand même passé un peu partout, même avec des émissions de catch, enfin c'était vraiment quelqu'un qui était un petit peu parti dans tous les sens. Et quand il a annoncé sa candidature, il y avait un mélange donc de ricanement et aussi on sentait quand même d'anxiété, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait que ce mec allait foutre la merde. Et moi, c'est ça qui m'a interpellé et qui m'a donné un petit peu d'espoir par rapport à ça. Je me suis pas dit immédiatement qu'il allait gagner ou quoi, mais je me suis dit, ce mec va foutre un bordel monstre dans la campagne américaine. Et effectivement, c'était très intéressant parce que dans le système américain qui est voilà, un système à deux partis où tout est quand même extrêmement verrouillé, etc., etc., où les petits partis, les petits candidats n'ont pas vraiment l'opportunité d'accéder à quoi que ce soit, quelqu'un comme Trump qui avait derrière lui donc cette présence dans les foyers au quotidien des Américains et qui avait aussi derrière lui tout son capital, hein, c'est quelqu'un qui est quand même assez fortuné, et qui a un certain franc-parler évidemment, c'était quelqu'un qui, c'était évident, allait troubler le jeu et renverser tout un tas de conventions. Donc c'était, dès le début, assez excitant, quoi. Même si moi personnellement je ne savais pas jusqu'où il allait arriver. Alors il faut aussi souligner que Trump a mis une carotte à l'establishment américain, aux démocrates, aux gauchistes américains, mais il a aussi mis une carotte aux républicains. C'est-à-dire qu'il était aussi vérolé que notre droite en France, quoi. Ils étaient absolument verts. Faut voir aussi la haine pendant la campagne de la primaire que pouvaient avoir ses adversaires à son égard. Donc il a quand même réussi et à désintégrer en fait les républicains américains tels qu'on les connaissait. Il a déjà lutté contre eux. Il a réussi à gagner la primaire et ensuite il a battu Clinton. C'est-à-dire qu'il a fait coup double, il ne faut pas l'oublier ça. C'est qu'au sein des Républicains, ils étaient haineux quand ils ont vu l'ascension de Trump au moment des primaires. Non mais c'est complètement dingue ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est la mort des Républicains. Comment vont faire les Républicains pour se redresser? Parce que les mandats aux États-Unis, c'est 4 ans. Bon, c'est d'ailleurs pour ça souvent que, si vous avez remarqué, aux États-Unis, ils enchaînent souvent 2 mandats. Hein, parce qu'en 4 ans, les gens n'ont pas le temps encore de se lasser, ni rien. Et ce qui fait que finalement, ça revient souvent à un mandat de 8 ans. Donc, c'est pas si mal que ça. Ça permet de se débarrasser vraiment d'un gros cassos. Par exemple, nous, Hollande, comme ça nous aurait permis de nous en débarrasser en 4 ans. Mais si le mec... En gros, il est statu quo, on lui laisse le bénéfice du doute, on laisse continuer sa politique pendant 4 ans. Donc finalement, c'est pas si mal que ça comme système. Et là, comment ils vont faire? Ils sont morts. Ils se sont fait harakiri, ces gros blaireaux. Parce que justement, comme tous les autres, ils ont eu des mauvaises estimations, ils ont pas lu, ils sont sortis de l'époque. Comme disait Sarkozy sur l'homme africain, ils sont sortis de l'histoire. Ces gens-là sont en train de sortir de l'histoire, ils sont en train de devenir des négros, mais des négros d'élite, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est la fin des paléo-gauchistes, que ce soit la fausse gauche Clinton ou les queues conservatives des républicains, ils sont tous fait enculer. Et pourtant, Trump, il est arrivé, c'était un challenger. Ils l'ont ignoré, ils l'ont ridiculisé, ils l'ont diabolisé encore et encore. Ils ont sorti des affaires pourries, ils ont payé des femmes pour l'accuser de viol, ils ont même trouvé des gosses pour... Voilà, ils l'ont tout fait. Et il a vaincu, c'est une très belle histoire, ça me rappelle une autre, de l'ascension d'un homme qui finalement n'était pas prévu. Un homme qui je trouve, un peu incarne l'Amérique, enfin un certain idéal américain, qui est celui d'un self-made man. Bon, il est fils d'un millionnaire, il est devenu milliardaire. C'est un homme d'affaires, je trouve que c'est un beau symbole pour les USA. Et c'est une très belle victoire. Et pour ceux qui croiraient que c'est un clown, c'est quelqu'un qui a une grande cohérence. Il y a eu des gens qui ont retracé tout son parcours, toutes ses déclarations. C'est quelqu'un qui, depuis les années 80, dit que la politique va dans la mauvaise direction et que si elle continue à aller dans cette direction-là, un jour ou l'autre, il sera obligé de prendre la gouvernance. Vous imaginez le mec, la classe, quoi, la certitude. C'est-à-dire, en gros, il voit qu'il y a de plus en plus de guignols et il dit « bon, les guignols ». Très bien, si vous continuez un jour ou l'autre, je vais être Godzilla. Là tu soulignes un truc qui est absolument incroyable. Ça c'est très juste. C'est-à-dire que c'est un mec, on lui a demandé depuis les années 80 où il est devenu milliardaire. Mais Monsieur Trump, est-ce que vous songez à devenir candidat à l'élection présidentielle américaine? Et le mec, en fait, il dit pas non. Il dit probablement pas. Tu vois, c'est très différent. Mais en même temps, le mec, il dit, il faut l'écouter, quoi. Il dit, déjà, dès les années 80, il dit, il y a une direction prend ce pays qui ne me plaît pas, quoi. Tu vois. Et c'est assez incroyable. Et en fait, ça fait 30 ans que le mec laisse entendre que l'idée est là. Mais le type, et ça c'est une autre confidence que j'ai entendue, Trump a demandé à sa femme, il a dit, avant de se lancer vraiment formellement, et bon, je sais pas comment ça a fuité, c'est dans la presse, Trump a demandé à sa femme, donc à sa femme actuelle, Melania Trump, qui est, je crois, slovaque, hein, de mémoire, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, moi, elle a répondu, mon problème, c'est que si tu rentres dans la course, tu vas gagner. C'est ça qui m'inquiète. Ce qui est hallucinant, et ça nous fait marrer. Enfin, rétrospectivement, ça pourrait... Enfin, imaginez-vous, au moment, on dit, ouais, ils sont milliardaires, ils sont en train de se raconter des cracks. Et... Puis quand ils repensent, tu dis, non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, Elle lui a dit ça, elle dit si tu te lances dans la course, tu vas gagner. Mais là, au niveau de l'histoire de l'ascension de Trump, si Hollywood n'était pas un repère de juifs gauchistes, il y aurait un film à faire, quoi. Parce que j'ai encore revu aujourd'hui la vidéo en 2011 de Obama, tu sais, dans un dîner de charité, qui se fout de la gueule de Trump, tu vois, il lui dit voilà. À propos, et le regard, dit, ouais, le regard de Trump, la haine, le ressentiment cristallin, quoi. C'est-à-dire, tu vois le visage de Trump qui ne prend pas ça bien du tout, et on voit sur son visage à ce moment-là, toi, je vais te baiser, tu vois. Voilà, il va se venger, tu vois. On le sent. Ouais. Si vous regardez ce dîner au moment où Obama fait ses blagues de merde pour se moquer de Trump. On voit sur son visage que le mec, un jour, tu vois, un jour il va se venger, c'est évident. Ouais, alors il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'en fait c'est un dîner en fait où le président est l'invité vedette, c'est évidemment très très très très très select, il arrive, il fait son numéro avec ses blagues, et Trump est une des têtes de Turc. Et si Obama, à ce moment-là, visent déjà Trump comme une tête de Turc, c'est qu'ils savent déjà que le mec est candidat. Ils ont les infos. Mais comme on l'a dit, ça fait des années que le mec y réfléchit, mais ils sentent que le type, ok, c'est bon, il veut se lancer sur les rails. Et non, ils non, se il, foutent il de le sa gueule. Pas pour ça, hein. Il le vise parce que Trump avait parlé du certificat de naissance d'Obama. Et que finalement. Non, mais il y a tout un truc. Il y a tout non, un truc, du... certes. Non, non, non. Il a voulu se foutre de sa gueule. Il a fait le nègre, tu vois. Il s'est cru fort. Et puis voilà. Hein. Il y a aussi la vidéo. Non. La blague contre Trump, c'est Coco, oublie ton rêve de présidentiel. C'était ça, Obama a dit. Le nègre Obama a dit. Moi je suis dans la Maison Blanche, te trompe pas mec, oh, tu vois, il a fait comme ça, ouais, tu vois. C'est ça, ouais, c'est le nègre. Et tu vois, et là, tu vois, et là, c'est bien noté par Fred, c'est-à-dire que tu vois Trump qui est assis à sa table. Il fulmine. Tu vois la fumée sortir des oreilles. Le mec est là, il le toise, mais il le dit, toi, mon pote. Mais c'est, j'ai pas vu beaucoup de mecs comme ça, tu sais. Et je suis sûr que c'est un des moments qui lui a dit, putain, il faut que j'y aille, quoi, il faut que j'y aille. Et avec ça en tête, quand tu vois ensuite le moment où t'as Trump qui est reçu à la Maison Blanche il y a 2 jours, enfin non, hier, par comment, hier par Par le Obama, nègre, oui. ouais, et le nègre qui tire une tête, et t'as, tu sais, t'as Trump qui dit, ce mec est extraordinaire, il a fait des choses extraordinaires. Tu sens le truc. Alors, mon négro, tu vois, je t'avais pas dit que je viendrais te bouffer, je viendrais Alors, t'enculer complètement. en parlant de ça, tu sais, il y a eu des analyses sur la gestuelle de Trump, hein, lors de cette rencontre, tu sais, où il disait que genre il avait peur et compagnie. Moi, à mon avis, s'il se serrait les mains comme ça, ouais, qu'il était un petit peu recroquevillé, c'est parce qu'il se retenait d'y me mettre une dans la gueule, quoi. Il avait encore dans la tête le discours au gala de charité, quoi. Je pense qu'il y a un profond mépris de Trump par rapport à Obama. Une haine vraiment réelle. C'est au-delà. Enfin, écoutez les discours de Trump, c'est pas que discours, c'est une, c'est le type le hait par tous les ports. Voilà, et donc là, sa fille ou ses conseillers ou les deux, hein, ont dû lui dire, papa, reste calme, et voilà, il faut Ne le traite au pas niveau de singe. international, il faut qu'on, voilà, pas de singe, il Ne faut qu'on, lynche pas le nègre. Ne lynche voilà, pas le nègre. ne l'envoie pas dans un champ de coton, il faut qu'on reste calme, enfin, qu'on fasse bonne figure au niveau international. Donc là, en ce moment, effectivement, il adoucit le ton, hein. Mais voilà, il n'en Ouais, pense pas moins. il est de la maison, il est de la C'est maison, pas il est de ça la qui c'est. maison. Non, mais Il y a voilà. de la maison, il est de la maison. Y a un autre truc que je voudrais souligner par rapport un peu au passif de Trump, c'est que le mec, c'est Gladiator, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui était dans la télé, hein, tous les soirs avec The Apprentice, Ouais. et qui pointait du doigt, tu vois, les candidats, les perdants, et qui leur disait « You're fired ». Tu vois, t'es viré. Ouais. Et ce qui va être intéressant et ce qui, à mon avis, il va falloir voir comment ça évolue, mais Trump a une possibilité, on va voir, hein, si il va s'en servir, de jouer avec un niveau de populisme qui, à mon avis, est encore inédit dans l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire que ça, s'il se met... S'il se met à pointer du doigt, parce que tout le public américain raffole de ça, enfin, c'était extrêmement populaire. Si le mec se met à dire, à pointer du doigt ses ennemis, les sortants, ceux qui se sont fait baiser, et à dire You're fired, mais les Américains vont être fous d'applaudissements, etc. derrière, et Des têtes, il va des têtes. engager une énergie. Et je pense que c'est en partie de ça que l'establishment a très très peur, quoi. C'est-à-dire que Évidemment. s'il a envie de le faire, effectivement, il peut faire le coupeur de tête comme ça. Et les Américains derrière seront fous. Donc, ils seront fous de soutien, quoi. Ils seront là à applaudir et à adorer ça parce que, bon, le mec qui dézingra tout l'establishment les uns après les autres, ils n'attendent que ça. Donc, il faut pas perdre de vue cet aspect-là. Et les gens qui appellent comme ça parce que hein, les appels à l'assassinat, etc., il faut s'en débarrasser, etc. Je pense que ces gens ont très peur, justement, que Trump, finalement, joue là-dessus. Et parce que c'est quelque chose qui, voilà, ça n'aurait pas dû arriver à la présidence. Quelqu'un qui a déjà ce pouvoir médiatique, qui a cet historique, ce passif avec le peuple américain, etc., via la télé, des émissions très populaires, etc. Une fois arrivé au pouvoir, il va avoir un mandat, voilà, assez spécial. Ouais, Mais c'est... y a rien de comparable dans l'histoire américaine. Hein. Il n'y a rien de comparable. Et en plus, c'est ce que j'ai dit avec le Twitter. C'est-à-dire que le type, avec les moyens de communication qu'il a, peut communiquer directement. Il n'a plus besoin des intermédiaires. Il peut dire, voilà, comme il a fait dans sa campagne. Il a dit, voilà, moi je désigne un tel. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, Soros a essayé de déclencher des émeutes contre Trump pour contester sa légitimité, et Dieu sait que ça va continuer, que l'establishment, que la Clinton crime family va continuer sa merde, que le Parti démocrate va continuer sa chiasse, et finalement que toute la mafia globaliste va continuer sa guerre contre lui. Ils vont tous se coaliser. Et le mec, il a une arme pour lui. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, en temps réel, sur Twitter ou sur Facebook, tu vois, il va pouvoir dire, celui-là, là, et c'est ce que tu dis, c'est celui-là, là, c'est un ennemi, tu vois. Il pourra même, imaginez quoi, il pourra même dire, il habite là. Vous voyez, il habite là, c'est son adresse, etc., tu vois. On ne sait pas jusqu'où il peut aller, quoi. Il m'imagine le président des États-Unis qui dira, voilà, mon ennemi habite là, etc., vous pouvez y aller. Genre, t'auras 10 000 personnes qui iront vers la baraque et tout pour le lyncher, le mec. On n'en sait rien, tu vois. Parce que Trump est prêt à aller très loin, je pense. Et après, il est prêt à aller très, très, très, très loin. C'est mon avis. Ce qui est magnifique dans tout ça, en fait, c'est que c'est la victoire d'un homme qui vient du monde de la performance et qui arrive à baiser à lui tout seul le monde de la cooptation, le monde de... C'est-à-dire, lui, il est issu de la méritocratie pure, c'est que tu sois sportif. Parce que le capitalisme, ça n'est rien de plus que l'esprit sportif appliqué à la loi du... Enfin, appliqué au commerce et à l'économie. Mais ça reste l'esprit sportif, c'est-à-dire, tu perds, bah, tu travailles deux fois plus pour gagner la prochaine fois, tu gagnes, basta. C'est que tu vois, il y a pas de tortillage de fion, de cooptation, de léchage de cul, machin. Et lui, quand il a vu tous ces guignols avant de se présenter, il a vu tous ces mecs qui ne faisaient que de s'entrelécher, de s'entresucer, il s'est dit, attendez, moi, putain de winner qui a mis des bides, qui a mis des milliards face à ces cloportes, mais je vais les éclater. C'est comme si, en fait, je sais pas moi, un boxeur professionnel débarquait chez les profs. Ou comme si, vous voyez, c'est deux milieux qui n'ont rien à voir, quoi. Et ce mec issu de la performance pure qui arrive à niquer la cooptation, c'est une leçon de morale tellement magnifique qu'elle va nous donner un supplément d'âme pendant plusieurs années. Par contre, moi, je voulais dire à Derek, pas de souci par rapport au film sur Trump. T'en fais pas qu'Hollywood va savoir monétiser. Hein. C'est pas parce qu'ils sont anti-Trump qu'ils vont s'empêcher de faire quelques milliards avec deux, trois beaux films bien ficelés sur la victoire de Trump. Ça, je non, te le garantis. Il doit y avoir quelques... Autant, mais d'ici 5-6 ans, il y aura des films magnifiques sur la victoire de Trump et ça sera produit par Levi Cohen. C'est pas certain que ce soit Levi Cohen, moi, hein. Il y aura peut-être des producteurs qui vont émerger. Hein. Je sais pas, j'ai vu Clint Eastwood, par exemple, qui était déjà sur Twitter aussi. Hein, Clint Eastwood, l'acteur, qui a déjà d'un certain âge, mais qui envoie toujours du pâté hein, sur Twitter, par exemple. C'est assez sympathique à noter. Ça équivaut à un régiment de Marines, hein, ce qu'il envoie. Voilà. Hein. Mais oui, non, mais voilà, je vous encourage à suivre Clint Eastwood sur Twitter. C'est vivifiant. Clint Eastwood, la vraie droite. En France, je sais que en France, je veux dire, la vraie droite, c'est comme la plage avec les cocotiers. C'est-à-dire que c'est un truc très très lointain. En France, la vraie droite, c'est Hervé Mariton, le juif, que tout le monde croit que c'est un chrétien intégriste. Quoi. Voilà, voilà. Oh mon Dieu. Alors, bref, enchaînons. Ouais. Alors moi j'ai envie d'embrayer parce que des voix vont déjà surgir en disant Donald Trump n'est pas le mec qu'on croit, c'est un enfoiré. Bon bah écoutez, moi je suis pas devin, je sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va trahir, est-ce qu'il va pas trahir, je n'en sais rien. Mais il a fait une déclaration, il a fait tout un discours, et ça je voulais l'apporter à la connaissance de nos participants sur cette émission, et puis aussi à tous les auditeurs. Parce que ça, c'est très confidentiel. C'est quelque chose que vous ne connaîtrez, dont vous n'aurez pas connaissance dans les médias français, parce qu'ils sont tellement nuls, de toute façon, qu'ils ne suivent pas du tout ce qui se passe. C'est une intervention, il y a un peu moins d'un an, dans sa campagne, de Donald Trump auprès du think tank, donc du groupe de réflexion Secure Freedom. Bon, je vais pas traduire, on s'en fout. C'est lors du sommet pour la sécurité, l'action pour la sécurité de ce think tank. Et il a eu l'occasion de s'exprimer pendant environ moins d'un quart d'heure. Mais c'est le genre de décision, enfin le genre de présence qui engage beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'à la... Enfin, y a... Les groupes de réflexion américains, il faut savoir, ils sont à moitié sociaux et à moitié politiques. C'est-à-dire que à moitié, c'est pour briller en société et à moitié, c'est pour encourager un certain nombre de décisions. Mais là, comment dirais-je, on a affaire à des gens qui... Il y a des anciens officiels, des gens de la CIA, des gens du département d'État et autres qui sont présents et qui animent ce truc. Et devant ces gens, voici ce qu'il a dit à Donald Trump. Et accrochez-vous parce que vous n'entendrez jamais ça dans les grands médias et vous n'entendrez jamais ça avec vos politiciens professionnels. Je le cite. Il y a moins d'un an. Si vous venez d'Europe, si vous êtes un Européen, que vous avez formidablement réussi à l'école, vous ne pouvez pas venir aux États-Unis. Mais si vous êtes un musulman, vous pouvez venir. Moi, j'ai réagi. Qu'est-ce qui se passe à propos de l'immigration? Il doit y avoir un moment où ce sera trop tard. À la frontière sud, les gens nous inondent comme de l'eau. Et vous vous dites presque à quel point ce sera trop tard. Vous savez qu'il y aura un moment où ce sera trop tard. Vous ne pourrez pas, peu importe si votre président est bon, peu importe combien sont bons vos chefs, il y aura un moment où ce sera trop tard. Ça, c'est Donald Trump qui parle, et sans discours, sans prompteur, il parle à une audience qui l'écoute. Le type dit, on est en train de se faire submerger par les bougnoules, les nègres, les mexicains, les latinos, les métèques, et il dit, à un moment donné, il y aura un point de non-retour. Il faut faire quelque chose. The rising tide of color, quoi. Mais il le dit. Il faut savoir quand même que Donald Trump, durant sa campagne présidentielle, il a retweeté des gens qui parlent du white genocide, quoi, du génocide des Blancs. Génocide des Blancs fait par immigration massive, apologie permanente du métissage, diabolisation de ceux qui veulent s'opposer, blabla. Donc c'est vraiment un type qui est... Ouais, il l'a fait un peu, après c'est pareil, il n'a pas, pas dit... quand il y a eu le problème avec Duke, il n'a pas rebuked. Je sais plus comment on dit en français. C'est ouais, il a pas rebuked the Duke, but c'est compliqué avec le Duke, tu vois, parce que bien sûr. Bon, mais c'est à dire qu'en fait, même s'il a pas fait entièrement sa campagne sur donc la théorie du grand remplacement génocide des Blancs, il a aussi donné des indications, effectivement, qui pensent à croire que, bon, bah, il est blanc, il le sait, et puis il a envie que l'Amérique reste, redevienne, ou au moins reste ce qu'elle est, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on en rigole, mais en fait, c'est Make America Great Again, et en même temps, t'as envie de dire America, enfin, Make America White Again, mais en même temps, c'est le même slogan, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment sauvons l'Amérique blanche avant qu'il soit trop tard. Et c'est ce qu'il dit dans ce discours. Attention, c'est un discours, il a été vu 6000 fois, c'est tout, c'est un truc ultra confidentiel. Mais moi, comme j'ai mes oreilles partout, j'arrive à trouver ce genre de truc. Même ses supporters ne sont probablement pas au courant de ce qu'il a dit dans ce truc-là, tu vois. Bah, il faut savoir que pendant sa campagne, moi je me rappelle avoir vu des... Je crois que c'était un reportage, peut-être français d'ailleurs, je ne sais pas si c'est français, sur sa campagne. Ouais. Où on voyait que dans l'arrière-boutique, en coulisses, les apparatchiks de la campagne Trump diffusaient à leurs potentiels donateurs, soutiens, etc., le film We've Opened Gates, hein, donc le film sur l'invasion de l'Europe par les migrants. Ouais, c'est-à-dire ouais. Que la campagne Trump, pour motiver les troupes, leur diffuser le raz-de-marée de bougnoules, de nègres, ouais, syriens, ouais, je ne sais quoi, avec le film We Open Gates, qui est quand même fait pour faire un impact visuel, hein, sur les gens. Et rien que le fait d'avoir vu que la campagne Trump en coulisses diffusait ce genre de truc, ouais, ça donne quand même une indication que, enfin, bon, vous allez me dire peut-être que c'est, voilà, c'est de la politique, c'est juste pour convaincre, et après le mec il fait rien, il s'en fout. Mais aller jusque là, aller jusqu'à monter, faire monter les gens dans les tours sur ces sujets-là, pour les motiver à soutenir Trump, à soutenir financièrement, etc., c'est quand même, enfin, ça parle, hein. À mon avis, ça n'est pas totalement innocent. Ouais, ouais, on est d'accord, quoi. Il se passe vraiment des choses. Maintenant, les gars, j'ai envie qu'on rentre dans le détail du Von Trump. Parce qu'on a suivi, comme je l'ai dit, en direct, l'élection, on a regardé les États, on a cherché à voir qu'est-ce qui se passait, etc. Est-ce que la Floride, elle est basculée, etc. Elle a basculé de peu. Et alors, tiens, pendant que je te tiens, la Floride a basculé. Et pourquoi elle a basculé? Dis-moi tout, cher camarade Fred. Dis-moi, pourquoi la Floride a basculé? Eh ben, tout simplement, elle a basculé à cause de l'Amérique rurale, quoi. C'est-à-dire que la Floride s'est jouée sur des écarts qui étaient finalement pas très gros, hein, pas très énormes, jusqu'à ce qu'en dernière minute, et ils ont attendu très longtemps pour annoncer les résultats, donc dans la zone nord-ouest de la Floride qu'on appelle le Panhandle, parce que, et ce qui est très suspect d'ailleurs, hein, du point de vue des médias, parce que c'est des comtés, des endroits où au final il y a peu, enfin c'est peu peuplé, les votes sont comptés à mon avis assez rapidement, et les médias ont attendu pour annoncer ça. Et en fait la Floride allait se jouer à très peu, elle aurait pu très bien tomber dans les mains de Clinton, hein, les gros centres urbains, que ce soit Tampa, que ce soit Miami, West Palm Beach, etc. Il y a des repères de juifs, de PD, enfin des zones vraiment, c'est le cancer, quoi, à exciser le plus tôt possible. Et la Floride a été sauvée pour le camp Trump par les rednecks du fond des bois, quoi. C'est ça qui s'est passé. Avec, comme je le disais tout à l'heure, des scores vraiment soviétiques, c'est-à-dire des comtés où on a du Trump à 80%, plus de 80%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, hein, il y a pas erreur, quoi. Les mecs savent qui c'est qui va éventuellement les défendre. Donc l'Amérique charnelle qui s'oppose. Alors la Floride, c'est compliqué évidemment, parce que c'est un État voilà, très côtier, beaucoup de tourisme. On appelle ça un État transient, voilà, beaucoup de gens qui sont là de façon plus ou moins stable. Et c'est vraiment la Floride rurale qui a retourné, qui a poussé les marges dans le bon sens pour Trump. Et ça ne s'est pas joué à autant de choses que ça. Hein. Ça ne s'est pas passé loin. Alors, il y a Trump qui a, en fait, Trump a été inattendu dans les zones les plus prolétariennes, les plus populaires, en fait. Il a percé dans le Wisconsin, dans le Michigan, dans l'Ohio. Il a failli prendre le New Hampshire aussi, hein. Il a failli prendre le New Hampshire, il a percé dans la Pennsylvanie, et il a fait campagne là-dessus pas mal. C'est hallucinant parce qu'il a pété complètement cette zone qui était une zone de gauche. C'est d'autant plus surprenant pour le cas de la Pennsylvanie notamment, qui est quand même relativement très blanche, mais justement assez isolée des méfaits de la diversité, et donc des Blancs qui sont un peu... Bon, je n'ai pas envie de faire des comparaisons douteuses, mais un peu comme la Bretagne en France, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est un peu le dernier bastion, quoi, où les mecs se rendent pas encore compte de ce qui... Enfin, c'est les derniers à se réveiller. Et le fait que la Pennsylvanie ait viré pour Trump, c'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire que ça, c'était pas... Je pense que personne ne l'attendait, même les supporters de Trump, les plus enthousiastes, ne s'attendaient pas à la Pennsylvanie. Hein. Et même le Vermont a été c'est pas aussi horrible, je veux dire c'est tout bleu quand même, hein. Oui c'est affreux, c'est moche. D'ailleurs il y a l'immonde crochu qui est au pouvoir là-bas Bernie Sanders, mais voilà, c'est plus balancé qu'il n'y paraît, quoi. Enfin, ceci étant dit, rentrons dans la sociologie du vote, parce que là, en fait, on rentre dans le dur, et en plus, ça nous parle à nous directement, parce qu'en fait, c'est le même type de sociologie, quoi. Les femmes qui ont voté pour Trump se situent à 54% contre 42%. Donc les femmes ont plutôt voté Trump. Les femmes en général, attention, c'est pas typé par race, hein. C'est les femmes en général. Donc, bah, ensuite, c'est la fin du féminisme, hein, voilà. Bon, vas-y, continue. Alors, les femmes, ça je l'ai dit, les blancs sans, comment dirais-je, sans diplôme, les blancs sans diplôme se sont trouvés avec un... Alors là, c'est énorme, hein, je veux dire. Les blancs sans diplôme universitaire, 67% pour Trump, 28% pour la Clinton. Hein. Énorme, enfin, je veux dire, c'est les classes populaires ouvrières blanche pour Trump, 67%. Les blancs qui ont un degré universitaire, c'est intéressant ça, les blancs qui sont diplômés, quoi. Les blancs diplômés, 49 contre 45. Ouais, donc même en fait, là, Trump gagne. Voilà, c'est ça le truc. Et ils mentent à la télévision française. Ils disent, ouais, les diplômés, machin. Les diplômés de quoi ? Les diplômés en général ou les diplômés par race ? Les diplômés par race, race blanche, 49-45 en faveur de Trump. Les jeunes adultes ont préféré Clinton, ceci étant dit. Mais ça, c'est sans différence raciale. Hein. À 55 contre 37. Donc en fait, là, on voit le basculement démographique jouer, évidemment. Quoi. Ce que je dis, évidemment, n'a pas de... Comment dire, n'est pas spécifié par race. Les plus vieux électeurs, là, évidemment, il n'y a que du blanc pratiquement, enfin beaucoup de blanc, se situent à 53 pour Trump, et ouais, 45 pour Clinton. Donc en fait, même chez les vieux, enfin les vieux, c'est plus de 65 ans, hein, 53 pour Trump, 45 pour Clinton. C'est-à-dire que même chez la génération des ouais, des gens qui un petit peu comme chez nous, hein, qui ont tendance à vouloir importer du métèque pour payer leur retraite, bah même là, au final, ces gens-là ne représentent qu'une minorité, puisque la plupart préfèrent avoir une retraite moins importante que des millions de Mexicains qui déboulent. Quoi. Donc ouais, pays hautement sain. Hein. Alors, le vote juif. Le vote juif. Alors, le vote juif. Alors, voilà. Alors, le vote juif, maintenant, parlons sérieusement, le vote juif. 20%. Ah. 20% pour Trump. Alors, 20%. On a un auditeur. Excuse-moi de t'interrompre, Gandalf. On a un auditeur avec énormément d'humour qui vient de la communauté. Je le salue d'ailleurs. Qui nous a commenté bande d'ingrats, vous critiquez les juifs, mais sans les 24% de juifs, Trump n'aurait pas été élu. En oubliant de dire qu'il y a 70% qui a voté pour Clinton. Merveilleux. Ah, ils sont très très forts, moi je l'aime. Cet auditeur. Non, mais c'est magnifique. Et ne parlons pas des donateurs d'Hillary Clinton. Les principaux donateurs, tu vois, les milliardaires, machin, qui ont... Oui, non, mais oui, les... Voilà, voilà, ça, c'est très... Voilà, hein, qui sont tous auvergnats et de Bretagne, et voire un petit peu de Bavière, hein, voilà. Hein. Mais, alors, avec tout ça, on se trouve en France, là, sur le site, j'ai vu, là, récemment, Boulevard Voltaire, hein, qui on sort des articles comme quoi Donald Trump a été élu grâce aux nègres et aux hispaniques. C'est très sérieux. Hein, attends, qui a écrit ça ? Quel est le signataire ? Non, parce que moi, autant que je sache, et les statistiques sont à peu près claires, seulement 8% des nègres ont voté pour Donald Trump. Ouais, alors ce que le mec t'explique, c'est qu'en gros, oui, il y a eu une petite augmentation par rapport à quand c'était Mitt Romney, Mais ce que cet imbécile oublie de dire, c'est que la participation du vote donc des nègres hein, à la présidentielle a été en baisse de 16%. Donc voilà, Donald Trump n'a absolument pas été élu par rapport aux minorités. Par les nègres. Et, voilà, par les nègres. Et il n'y a absolument aucune raison de se plier au politiquement. Alors, correct, quel est le nom de ce criminel? Ben, je recherche, je reviens. Alors, il faut savoir qu'il y a 8% des nègres qui ont voté pour Trump et 4% et tout le reste contre, soit par abstention, soit par un candidat alternatif, autant pour moi, soit pour Clinton. C'est inadmissible de voir. Mais vous avez vu, c'est toute cette chiasse. Mais de droite molle, ah oui, machin, mais finalement... Ils se croient malins, les mecs se croient malins, quoi. Ils se croient malins en disant, ah ouais, bah finalement, vous avez vu, oh là là, on a le bon négro, quoi. On a le bon négro, il va voter pour nous, ouais, c'est le bon négro, quoi. Toi. Petit message à l'attention des journalistes de Beauvais Inventaire, s'il vous plaît, les gars, arrêtez la drogue. Ouais, la MDMA lourde, à consommation systématique, effectivement, il faut arrêter, effectivement. Le nègre qui votera à droite, oui, il y en a, tu vois, enfin, je veux dire, il y en a, enfin, les mecs qu'on paye, il y en a, tu vois, mais là, faut arrêter, quoi, c'est incroyable, quoi. Mais c'était peut-être des nègres patriotes du quotidien, on sait pas. Hein. Non. Moi, j'aime pas trop me mêler du microcosme de la, comment on appelle ça, dissidence française, ou enfin bon, la sphère de l'information alternative française. J'aime pas trop m'en mêler, je pense que les auditeurs l'auront compris, ici on est assez international, on se situe relativement au-dessus de toute cette merde et toutes ces petites embrouilles, mais je dois quand même faire part aux auditeurs d'une chose que j'ai entendue qui m'a beaucoup surpris. J'ai entendu une intervention sur le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral il n'était pas face en fait, il discutait avec son collègue, un écrivain nommé Félix Niche. Et alors Félix Niche a fait l'immonde erreur de dire que c'était une victoire identitaire, une victoire des Blancs contre les Noirs. Et j'ai été très surpris de voir Alain Soral qui, à mon sens en tout cas d'habitude, est assez, assez perspicace. Là, il a vu rouge, quoi. Il s'est mis en boule, il a dit non, c'est une victoire de classe, enfin, comment tu peux dire ça et tout. Donc voilà, le gauchisme, le communisme, la lecture marxiste, des fois, elle amène vraiment les gens à être myopes, quoi. À voir avec des lunettes qui sont pas les bonnes lunettes. C'est évidemment une victoire des Blancs contre les Noirs. Comment on peut nier ça, quoi? Donc bravo à Félix Niche, c'est un écrivain, je sais pas, moi j'ai jamais lu aucun de ses bouquins, mais bravo à lui, hein. C'est bien, il a tenu tête à Soral. Il est quand même très chiant, hein. Excuse-moi. Enfin, en fait, attention, il intervenait au niveau de la parole, enfin, c'était une... Oui, ils étaient dans une émission, c'est une émission qui est une émission un peu comme la nôtre, quoi, mais tenue par des membres. Mais en moins bien, hein. Un peu comme la nôtre, avec beaucoup moins de punch et beaucoup moins de clairvoyance, quoi, mais bon, c'est... Non, mais c'est vrai qu'il va falloir tous ces gens-là, tous ces... ce que les Américains appellent conservatives... voilà, qui sont les conservateurs cocus, hein, on va dire ça comme ça. Y a eu le travail qui a été fait par l'alt-right américaine pour harceler ces gens-là, hein, leur faire vivre l'enfer clairement, que ce soit sur Twitter, enfin, les appeler, etc. Enfin, ouais, c'était rendu les emmerder au plus haut point. Et il va falloir qu'on s'y mette nous aussi. Oui, je crois. Les choses avancent. Et les traîtres paieront. Ah non, pas douter. Chers amis, quelqu'un veut rajouter là-dessus quelque chose avant qu'on se sépare et puis parce que là maintenant c'est Noël tous les jours, c'est Noël toutes les semaines, c'est sûr, c'est garanti. On va déporter Build the wall, build the wall et déporte them all, quoi. Et le plus. Ouais, mais voilà. Mais c'est... Enfin, c'est, moi, c'est bon. J'ai un petit message quand même avant qu'on se quitte. Chers amis auditeurs. Nous sommes maintenant les winners. Sortez de l'ombre. voyez à quel point ces putains de médias sont médiocres. Vous êtes tous meilleurs qu'eux. Vous pouvez tous faire un podcast, vous serez tous meilleurs que tous ces connards. Ils disent n'importe quoi. Donc, réinformez les gens, sortez du bois, tombez les masques. On est majoritaire. On a les deux armées les plus puissantes du monde avec nous. On a Poutine, on a Trump. En avant. C'est fini, c'est fini. Ils ont arrêté de nous dominer. Nous, on n'est pas mesquins comme eux. On va pas leur mettre le talon sur la carotide. On va juste les renvoyer là d'où ils n'auraient jamais dû sortir. C'est-à-dire leur petit rang de secrétaire, de comptable, d'avocaillon. Mais on a gagné. Le groin, le blanc est en train de gagner. Alors, fêtez ça avec nous, fêtez ça dans les commentaires, fêtez ça partout. On vit qu'une fois et c'est un moment historique qu'on est en train de partager ensemble. C'est juste magnifique. Donc, oui, juste un petit mot, moi, c'est Let's Drain the Swamp. Voilà. Asséchons le marais. Là, la tendance est inversée et ça va continuer. Hein, donc, il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez des gauchistes en face de vous, à les mépriser, mais alors vraiment comme s'ils étaient à vos pieds, et vous les vouloir marcher dessus. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, en ce qui me concerne, je pense que quelque chose vient de se passer et que nos amis progressistes, METEC et autres cosmopolites vont déguster tout ce qu'on s'est tapé pendant 7 décennies tranquillement, hein. Tous les matins au petit déjeuner, voilà, des planches de ciment. Les gars, préparez-vous parce que là vous avez mal au cul déjà. Rien que d'y penser, vous avez mal au cul, mais c'est rien du tout parce que nous, ça, c'est le régime de base, hein. C'est le régime de base. Et encore en période, voilà, où tout se passe bien. Vous voyez, parce que quand ça va mal, en plus nous, c'est pas du ciment qu'on se bouffe, tu vois. C'est en plus, c'est des clous. Alors vous, les fiottes progressistes, là, qui nous avez cassé les couilles, qui nous ont cassé les couilles pendant des décennies, maintenant, votre monde est fini. Bon, ça c'est torché. Mais maintenant, on vient vers vous, là, avec les comptes. Accrochez-vous, parce que le monde blanc est en colère, le monde blanc n'en peut plus, le monde blanc veut des victimes expiatoires. Et malheureusement, gauchistes, socialistes, marxistes, métèques de toute nature et autres musulmans, c'est vous. À la prochaine, on va s'amuser. Bonne soirée. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut Mexicanos. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer. La diversité, ils viennent reconstruire l'Occident avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.